Si vous avez bien suivi l'actualité de ce week-end, Yolande, Justine et Jean-François. Allez, Lloyd, je vais te rajouter parce que je sais que tu es au top de l'actu. Vous allez jouer tous les quatre et vous affronter au jeu de l'actualité. Vous avez à chaque fois 20 secondes pour essayer de trouver la bonne réponse. C'est parti, première info. C'est Justin Bieber qui a fait le buzz ce week-end. Qu'a-t-il fait ? Top, c'est parti. Justin, il était en slip, c'est pas ça ? Alors, oui, je t'accorde la bonne réponse, effectivement. Une nouvelle fois, Justin Bieber a montré sur son compte Instagram à quel point il aime se montrer nu ou exposer ses parties les plus intimes, puisque en fait, il a pris une photo, il est en slip, il prend ce qui lui sert d'organe reproducteur avec la main, et ça a été aimé 1 200 000 fois en moins de 24 heures, donc ça a vraiment fait plaisir à ses fans. Justin Bieber, d'ailleurs, qui n'a plus la même coupe de cheveux, il s'est quasi rasé la tête. Hein. Je sais pas si vous le trouvez plus beau ou pas, les filles. Bah, il a toujours un charme, quoi qu'il fasse. Ouais, c'est vrai, il fait bien du sport parce qu'on voit quand même que le gars est gaulé. Un point pour Justine. Deuxième info, ça concerne l'événement de Roland-Garros, hein, pour ceux qui suivent, même si quand on ne connaît pas le tennis, on sait que ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé samedi à Roland-Garros et qui a posé beaucoup de soucis ? Top, c'est parti. Yolande. Il y a eu des éclairs ? Il y en a eu, mais je ne sais pas la réponse que j'attends, en tout cas. Justine, c'était pas la grêle ? Non, ce n'est pas ça non plus. À l'origine, il y a la grêle et il y a les éclairs. Jean-François. Jeff, c'est pas un truc avec des oiseaux ou quoi qui non, pas du tout. Vous êtes loin. Attention, il reste 5 secondes. Donc, oui, vas-y. Yolande, il y a une tornade. Alors non, il y a eu un gros orage, ça a provoqué quelque chose. Top, malheureusement, c'est terminé pour les 20 secondes. En fait, c'est très simple. Toutes les télévisions du monde ont été coupées parce qu'il y a eu une panne électrique à Roland-Garros qui a fait perdre la moitié des téléspectateurs, notamment à France Télévisions, entre 15h45 et 18h15. Résultat catastrophique. C'est ça quand on paye pas Electrabel ou EDF pour la France, quand on paye pas ses factures. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. We'll be right back.

goes. I let the wind take me. You know there's just one thing I need. Just one thing I need. I need. Yeah. Si vous vous réveillez avec du chorizo, du fromage, des champignons et de la sauce tomate sur vous, bah pas de panique, c'est que vous êtes une pizza. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Pour vous réveiller comme vous êtes. Fun Radio, numéro 1 sur les pizzas réchauffées le matin au micro-ondes pour le petit-déj. Turned up hotel lobby, fast life like a Ducati, spending money like I'm from Saudi, bagging bitches with the bad bodies, semi-cooling with the black Barbies, I got brain cause she a smarty, and now I'm feeling like la-di-da-di. Hey. Wait a second, wait a minute, I don't think you're ready for it. Three chicks got 2 4 6 cheers. Fun Radio, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je m'entends bien en écho mon lit comme ça tu le sais, bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est Evan, c'est la tribu. Alors vous êtes nombreux à nous demander si on est en grève ce matin et la réponse est non, on est bien là depuis 5h58 mais on poursuit une série de lose ce matin qu'on va vous expliquer parce que vous savez qu'on vous cache rien. On va dire bonjour déjà à toute l'équipe qui est là. Justine, bonjour. Hello. Oh je t'entends, c'est magnifique. Sœur Cali, bonjour, qui est là, bonjour. Hello. Oh je t'entends aussi, c'est génial. Jean-François qui est est là à l'info, la météo, l'infotrafic. Bonjour Jean-François. Bonjour Evan. Et notre réalisateur de ce matin, un peu improvisé, c'est Oli, qui est là, l'animateur du week-end et de Party Fun. Bonjour Oli. Bonjour Evan. Alors lui, il a la voix du mec qu'on a réveillé à l'arrache en 15 minutes. Alors, je vous explique tout ce qui s'est passé en deux secondes. En fait, moi, je suis resté coincé en France aujourd'hui parce que, à cause des grèves, je n'ai pas pu remonter. Donc déjà, ça, c'est la première lose. Donc l'équipe est en studio. Moi, je suis en France dans un studio improvisé, mais grâce à la technologie, on permet de faire des choses géniales. Ensuite, on a Sandro qui devait revenir de vacances ce matin, mais nous n'avons aucune nouvelle. Alors hier, il devait revenir ce matin, mais ce matin, visiblement, il n'est pas là, sauf si c'est le réalisateur invisible. Et ensuite, donc, il a fallu qu'on aille réveiller Oli qui habite pas loin de la radio, parce que dans mon équipe, ils sont tous très forts, mais ils savent pas faire une chose, c'est réaliser une émission de radio. Donc voilà, Oli est arrivé à la rescousse. J'ai essayé de faire réaliser Jean-François, c'est une catastrophe, il s'est pas poussé un bouton, le pauvre. Ah, c'est génial. Alors, Justine, elle sait pas allumer un écran. C'est l'équipe de la loose. Alors c'est vrai qu'il faudra qu'on pense un jour à avoir toujours un réalisateur de secours dans l'émission. Je vais quand même vous lire vos messages là, parce que vous êtes nombreux à envoyer des messages dès ce matin. Enfin la belle voix d'Evan. Oh merci, ça doit être une fille ou un garçon, c'est gentil. Bah ça c'est, j'ai pas un animal de compagnie, c'est clair. Qu'est-ce qu'on a? On a salut Evan, on n'entend pas les informations. La musique des informations sans informations. Oui c'est vrai que c'est à 6h. Vous avez entendu la musique des informations, mais il n'y avait pas Jean-François. Il était derrière tout son micro, mais personne ne pouvait l'allumer. Quelqu'un me dit, c'est moi, il n'y a personne, ça sent la fin de saison. On en était bien là. La tribu en grève, ouais. Où vous faites grève, on veut entendre la belle voix de Justine. Et puis, salut la tribu, où êtes-vous? Au secours, ma radio me donne que la musique, pas comme d'habitude, Stéphane de Manage. On vous fait des gros bisous. Bon, voilà, alors on va faire une émission, évidemment, un petit peu à la rage. Dans un instant, il y aura du bon son Dance Floor avec le Café Del Mar 2016. C'est Matine qui va arriver sur Fun Radio. Extra. Il y aura tous vos messages qu'on va lire dans un instant sur le Snapchat de l'émission. Puis on fera l'horoscope aussi. D'habitude on le fait à 6h20, mais là on le fera à 6h45 du coup, parce qu'on peut pas passer à côté. Bienvenue sur Radio à l'arrache. Il est 6h32 minutes. Ouais, bon vendredi tout le monde sur Fun Radio. 6h32, les infos et les météos, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les transports en commun seront de nouveau très perturbés dans la région de Charleroi, mais également à Mons et dans la région du centre ainsi qu'à Liège aujourd'hui. La circulation est en partie perturbée dans la région de Namur et dans une moindre mesure dans le Brabant wallon. Toutes les informations concernant ces perturbations sont disponibles sur le site infotech.be qui est régulièrement actualisé ce matin. Puis du côté de la SNCB, un accord semble avoir été trouvé hier et on annonce une reprise progressive du trafic sur le rail dès ce matin. Une nouvelle réunion avec les syndicats est programmée dans la matinée, mais la situation semble donc se décanter. N'hésitez pas en tout cas à prendre les infos nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise. Des trombes d'eau continuent de tomber sur certaines régions de Belgique. C'est le cas en province de Luxembourg, dans l'entité de Nassogne notamment. Les villages de Bande et de Masbourg sont particulièrement touchés. De nombreux inondations et débordements se produisent encore en ce moment du côté de Nassogne dans la province de Luxembourg. À Bande, dans l'entité de Nassogne et National 4, le théâtre de coulées de boue et de montées importantes des eaux. La route est fermée dans les deux sens. Pour rappel, IRM avait averti d'un risque de forte averse d'orage à partir d'hier jusqu'à ce matin, surtout sur la moitié est du pays. On a appris hier que le chanteur Prince est mort des suites d'une overdose de fentanyl, un puissant médicament antidouleur. Le fentanyl est considéré comme à 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. On apprend également qu'un mois et demi après sa mort, l'engouement pour la musique de Prince s'est un peu étiolé. Mais l'album Purple Rain reste en 12e position des ventes aux États-Unis. Mi-mai, pas moins de 19 albums de l'artiste figuraient dans le classement des 200 meilleures ventes aux États-Unis, ce qui constitue un record. En sport, David Goffin a-t-il coché hier à Roland-Garros en s'inclinant 4-6, 7-6, 6-4 et 6-1 contre son ami Dominic Thiem, 15e joueur mondial. Le Liégeois qui a hérité d'une balle pour mener 2-7-0 a non seulement échoué aux portes d'une toute première demi-finale dans une levée du Grand Chelem, mais est également passé à côté d'une place dans le top 10 au classement ATP. Il pointera 11e au 11e rang en début de semaine prochaine. On joue aujourd'hui les demi-finales du tournoi. Chez les dames, la numéro 1 mondiale Serena Williams se jouera contre la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Garbiñe Muguruza jouera contre l'australienne Samantha Stosur. Et chez les messieurs, ce sera Stan Wawrinka contre Andy Murray et Novak Djokovic face à Dominic Thiem. T'as vraiment un accent de merde pour annoncer les joueuses de tennis. Hein. Samantha Tosur. Mais non, Samantha Tosur. C'est ça, Jean-François. Mais quand je dis Andy Murray à l'anglaise, tout le monde se fout de ma gueule dans le studio. Donc faut non, savoir pas ce moi, je ne me suis jamais moqué. Toujours moqué sur d'autres trucs, mais pas sur Murray. On ne touche pas Andy Murray. Okay. 6h35, la météo pour ce vendredi 3 juin, Jean-François. La journée commencera. Tu me troubles, Evan. Même quand tu es à distance, tu me troubles, t'imagines. Je t'aime. La journée commencera sous la brume et les bancs de brouillard locaux. T'es coupe le soleil pour ensuite tenter quelques percées sur le centre et l'est du pays. Avant c'est le retour dans le courant de l'après-midi de quelques pluies et orages, surtout sur l'est du pays, côté température, 13 degrés à la côte et 15 et 20 degrés sur les autres régions. C'est Matin sur Fun. Taré comme jamais, tous les matins, 6h-9h, Evan et la tribu sur Fun Radio. Sur Fun Radio, nous sommes bien là ce matin et en direct, alors que nous n'avons pas pu faire la première demi-heure de cette émission. Il y a des gens qui étaient un petit peu flippés. Ça fait plaisir de voir tous vos messages là, genre Claire de Rebec qui me dit vous m'avez fait peur, soulagé, maintenant je dépérissais là. Et puis Cyrélia qui me dit heureux de vous retrouver, bonjour la tribu, je vous adore, un grand merci, j'ai reçu ma boîte de jeu 5 secondes chrono, vous êtes au top, ne changez rien. Merci beaucoup Cyrélia. Justement, vos messages, on va les lire maintenant sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu, et c'est Justine qui vous lit. Ouais, et West numéro 11 nous dit ah, content de vous entendre la tribu. Cyril nous dit j'ai bien cru que j'irais au boulot sans vous entendre, heureusement tout va mieux pour moi. Et puis Cécilia, vous êtes les meilleurs peu importe la situation, vous me faites marrer, sérieux, la journée commence bien pour moi. Il est 6h39, Justin Timberlake va arriver dans un instant, on va faire l'horoscope également du jour. D'habitude, pour ceux qui ne sont pas là avant 6h30, on le fait vers 6h20, mais là on ne peut pas passer à côté, c'est l'horoscope de l'amour et de l'amitié. Avant 7h, nous jouerons aux 5 secondes chrono, et d'ailleurs si vous voulez vous inscrire pour jouer et gagner votre boîte de jeu 5 secondes chrono, comment faire Justine? Vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Allez, un petit tour du côté des températures, quel temps fait-il ce matin chez vous? C'est Sœur Khalid du Jambon qui vous lit. Donc il y a 14 degrés à Bruxelles, c'est signé Katia, Mélanie nous annonce 15 degrés sur Arlon. 13 petits degrés du côté de Carnion. Et alors 15 degrés à Courcelles, merci à toi Émilie. Allez, la phrase Facebook du jour, la voici, Sœur Khalid. Je ne dis pas qu'il pleut trop, je dis juste que j'ai vu un saumon remonter la E19 à contresens. Ah, je l'adore cette phrase. Justin Timberlake arrive dans un instant pour vous réveiller, vous sortir du lit et vous secouer dès le matin. C'est Evan, c'est la tribu, on est là en ce vendredi 3 juin. Bonjour et bon réveil tout le monde. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas et Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres.

matin avec le petit déj gratos. Ça sera dans une vingtaine de minutes. On sera dans quelle ville ce matin, Justine? Mais écoute, je n'en sais rien. Très bien. Héraïs Tréfi, dans un instant, vous êtes bien sur Radio à peu près. On est ensemble jusqu'à à peu près 9h. Et dans un instant, peut-être qu'on vous passera Héraïs Tréfi. En tout cas, ce qui est sûr, ça c'est la chose qui est certaine ce matin, c'est que j'aurai à vous offrir le dernier MacBook Air de cette semaine. C'est entre 6h et 9h. Déjà 4 MacBook Air qui sont partis ce matin. Et il suffira de vous inscrire au moment de mon top. Ce sera tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? On va jouer 5 secondes chrono. Ce sera dans quelques instants sur Fun Radio. Vous allez pouvoir jouer avec Méga Bleu et gagner votre boîte de jeu 5 secondes chrono. Pour ça, il suffit de vous inscrire, Justine. Oui, vous envoyez le chiffre 5 par SMS au 6322. Allez, bougez pas, on va se faire le son de Héraïs Tréfi sur Fun Radio. Bon, d'habitude on le fait vers 6h20, mais comme ce matin nous avons eu un petit souci technique entre 6h et 6h30, on va donc le faire maintenant, cet horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié de ce vendredi 3 juin, et débutons avec les béliers. Essayez de clarifier la situation avec votre partenaire le plus vite possible. Ce qui me fait flipper, c'est le mec qui vient de se réveiller à l'instant, se dit « Merde, je me suis réveillé en avance !» Non, ça va, je suis tranquille. Non, surtout ne te réfère pas à l'idée qu'il est 6h20. Taureau, vos relations seront a priori à la pointe de vos attentes. Tant mieux. Gémeaux, n'oubliez pas qu'avec un peu de volonté, tout est possible. Cancer, un peu de motivation et tout ira bien, les cancers. Les lions, ce vendredi soir s'annonce festif pour vous. Ouh, la teuf. Vierge, mieux vaut attendre lundi pour agir, le week-end vous portera conseil. Balance, si vous êtes célibataire, une rencontre vous rendra heureux toute la soirée. Ouais, c'est que toute la soirée. Visiblement, demain matin, vous serez de nouveau célibataire. Les scorpions, vous devriez avoir de bonnes nouvelles venant de l'étranger. Sagittaire, attendez patiemment lundi pour prendre une décision avec votre conjoint. Laissez d'abord passer le week-end. Capricorne, affirmez votre position avec souplesse et vous serez gagnant. Affirmez votre position avec souplesse, ça me fait vraiment penser à un truc du Kama Sutra, ça. Hein. Oh. La 68 est plutôt pas mal. Verseau, vos amis de longue date seront les meilleurs conseillers. Et enfin, les poissons, ce vendredi soir s'annonce festif, mais attention de ne pas faire d'abus. Bon, on a bien compris que pour tout le monde, ça s'annonce festif. Voilà. Il est 6h48 sur Fun Radio dans un instant. Juste après Héraïs Tréfi, on joue aux 5 secondes chrono. Comment ? Tous les samedis, 18h à 20h, c'est la Fun List. Avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Pendant 2 heures, Oli vous mixe le classement de vos 20 bombes dance floor préférées. Ready? Faites évoluer le classement en temps réel en votant pour vos stars Fun Radio préférées. En envoyant le titre que vous kiffez par SMS au 3044 ou funradio.be. Comment? 18h, 20h. Le samedi, c'est la Fun List. Yann sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Chez Charles présente l'école de la fine bouche, là où on élève la viande pour devenir de la charcuterie fine. Allez, la poitrine de dinde, un petit effort pour moins de gras. Oui, Charles. Là où on sélectionne les produits avec soin et où on place des icônes santé. Qui est sans gluten par ici? Non. Tous à gauche. Là où on vient juste de changer de nom. Et comment on s'appelle maintenant? Chez Charles. Cox Fresh est devenu Chez Charles. Participez au championnat Chez Charles et peut-être regarderez-vous l'Euro 2016 sur l'une de nos 10 TV super luxe à écran plat. Jetez un œil sur chezcharles.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. When the leaves turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out. Living forever in a ghost town. You save me, I save you. A miracle that was meant for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Never be there for two. I save you, you save me. A miracle with every beat of my heart. Si vous vous réveillez ce matin avec une main dans le slip alors que vous dormez nu d'habitude. Oh, pas d'inquiétude. Faudra juste faire gaffe la prochaine fois que vous vous endormez à côté de Jérémy, votre coloc. Wake up. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Pour vous réveiller comme vous êtes. This is buns, buns. Sur des petits mots comme ça, doux à l'oreille. Merci, Raïs Tréfi, 6h55. Oui, à toi. Il y aura Blonde et Craig David avant 7h. Et également, on va se faire le son de Rochelle. Vous savez que je la kiffe, elle. C'est Rochelle avec All Night Long. Let's go. 5 secondes chrono. Affrontez Evan et sa tribu. Il est avec nous ce matin en direct, Jérôme, 29 ans, de Wavre. Bonjour mon Jérôme. Bonjour mon Jérôme. Je pense que Jérôme est aux toilettes. Ah, attends, il tire la chasse. Vas-y. Là c'est bon. Non, c'est dans ma voiture. Ah, alors c'est ennuyeux si tu fais popo dans ta voiture, hein, surtout pour les passagers. Il fait le petit poussé avec autre chose que du pain. Oh non. Quoi, Khalid, quoi, t'es dégueulasse. Mais quoi, hier c'était opération escargot, là, c'est lui, c'est escargot, escargot lui en fait. Arrête. Oh, je vais vomir. Jérôme, 29 ans de Wavre, dans ta voiture tu vas au boulot là en ce moment? Oui. Bon, bah courage à toi. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de bouchons. On a eu un message de notre Lloyd qui nous a dit que c'était déjà le bordel un petit peu partout. Nous allons jouer aux 5 secondes chrono. Tu veux jouer contre qui ce matin? Il tire la chasse là. Faut que tu fermes ta fenêtre. Non, non, mais je vous entends très mal en fait. Bah, c'est parce que t'as beaucoup de bruit dans ta voiture surtout. Jérôme, alors attends, je vais essayer de voir si Jules ça marche mieux. Tu veux jouer contre qui, mon Jérôme? Contre Evan. Contre moi, c'est parti, nous allons jouer aux 5 secondes chrono avec Méga Bleu pour que tu remportes ta boîte de jeu. 5 secondes chrono, voici la carte gérée par Justine. Alors Jérôme, je commence avec toi. En moins de 5 secondes chrono, et cite 3 coupes de cheveux top. 3 coupes de cheveux top. J'ai pas entendu le réseau. Des coupes. Alors, de attends, cheveux. 3 coupes de cheveux. Allez, 3 coupes de cheveux. Ouais, 3 coupes de cheveux. Je te remets des secondes. Ok. Alors, un brushing, une brosse et Bon, j'avais quand même mis 15 secondes, mais malheureusement, il n'a pas arrivé jusqu'au bout. J'entends rien du tout. Mais c'est parce qu'il y a trop de bruit dans ta voiture, Jérôme. Sors ton téléphone de tes fesses. Oh. Nous allons passer à ma carte. Justine, c'est parti. Alors, Evan, en moins de 5 secondes chrono, et cite 3 types de baies top. De quoi? De baies? Ouais. Des baies vitrées, des baies rouges. Je me suis mis à 20 secondes, hein, comme ça j'ai le temps. Les baies des chèvres. Hein, baies. Oh mon dieu! Et les baies, et bah, j'en ai pas d'autres. Il y a qui d'autre en baies? Il y a le baie t'as perdu. En fait, tout ce qui est considéré comme framboise ou groseille, ce sont des baies en fait. Oh, j'aurais pas trouvé. Eh bien, c'est un match nul. On a été nuls tous les deux ce matin, Jérôme, surtout en termes de bruitage dans la voiture. Ouais, mais comme je suis fair play, je t'offre la boîte de jeu 5 secondes chrono. T'applaudis bien fort. Bravo. Allez, je t'embrasse très fort. Vous aussi, si vous voulez jouer aux 5 secondes chrono, comme Jérôme, 29 ans de Wavre, il suffit d'envoyer le chiffre 5 par SMS au 63 22. Voici Blonde et Craig David. Il est 6h58 sur Fun Radio. Friends, I had my girl, and you had him. Would have known where it'd end. Cause I'm holding you tight in the middle of the night after we just finished that making. We both waited, weathered the storm. Could have cheated, but knew that'd be wrong. Even though we came close, had to get you out of my mind. Not that I'm doing time if I slip to commit a crime. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, long as there's you and me, there's us. And I let you go, no, I ain't found nothing like. You're the truth. All along, I was here for you. Wait until the timing was right. Give me the green light. I'll show you, girl, what you've been missing. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture. This right here is called real love. And nothing really matters, long as there's you and me, there's us. And I am letting go. I ain't found nothing like. Nous sommes vendredi, ça sent le week-end, la teuf qui est là. Et dans un instant, le son de Rochelle va débarquer. J'aurai également du Maître Gims, le petit déj gratos arrive. Nous sommes vendredi 3 juin et il est 7h sur Fun Radio. Allez Raymond. Merci vieux. Les gars, j'ai nos places pour le foot. On sera à 2 mètres du terrain, juste devant mon grand écran. Un jeté en promo chez Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Dans moins de 10 minutes, je vous donnerai l'adresse du petit déj gratos. Ce matin, on est du côté d'Andenne. Mais d'abord, 7h01, on passe à l'actu avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les intempéries ont provoqué hier soir le débordement de plusieurs cours d'eau en province de Luxembourg, dont la Ouham, occasionnant de nombreux dégâts dans la région de Nassogne et de Gemelle. Plusieurs villages ont été paralysés par la crue. La Nationale 4 a même dû être coupée à la circulation dans les deux sens, à hauteur de bande. À Gemelle, la crue a provoqué l'inondation d'une bonne partie des immeubles. Le niveau de l'eau aurait atteint les 70 cm de hauteur au rez-de-chaussée. À quelques kilomètres de là, la hausse du niveau de la rivière a également surpris les habitants du village de Argimont. La commune de Plombières a également été particulièrement touchée par ces inondations. Les transports en commun seront de nouveau très perturbés dans la région de Charleroi, mais également à Mons, dans la région du Centre ainsi qu'à Liège. La circulation est en partie perturbée dans la région de Namur et dans une moindre mesure dans le Brabant Wallon et la province de Luxembourg. Toutes les infos sont disponibles sur le site infotech.be qui est régulièrement actualisé. Du côté de la SNCB, un accord semble avoir été trouvé hier et on annonce une reprise progressive du trafic sur le rail dès ce matin en Wallonie. Une nouvelle réunion avec les syndicats est programmée dans la matinée, mais la situation semble donc se décanter. N'hésitez pas en tout cas à prendre les infos nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise. Selon un économiste de l'université de Liège, l'indépendance de la Wallonie semble tout à fait ingérable financièrement. La Wallonie ne pourrait tout simplement pas survivre seule sans l'actuel système solidaire national qui lui permet de percevoir 6 à 7 milliards par an via la sécurité sociale. Pire encore, une Wallonie indépendante se retrouverait carrément dans la situation de la Grèce en 2009, au début de la crise de la zone euro. L'économiste qui a basé cette étude n'est pas très optimiste pour l'avenir de sa région. Il considère l'éclatement du pays comme inévitable à terme et souligne l'incapacité de la Wallonie à rivaliser avec la Flandre sur le terrain économique en raison d'un écart actuel trop important. Plusieurs pays européens ont mis en place un système d'amende variable selon les revenus des contrevenants afin d'éviter que les conducteurs aisés puissent se permettre beaucoup plus d'infractions sans que cela n'affecte financièrement. L'agence Wallonne pour la sécurité routière a sondé 1000 conducteurs pour voir s'ils étaient favorables à un tel principe. Verdict, près de 47% des hommes interrogés estiment que le montant de l'amende devrait être adapté en fonction du revenu de la personne. Les femmes ne sont qu'un peu plus de 31% à penser ainsi. Les deux sexes confondus, le pourcentage est donc d'une quarantaine de pourcents. Un mot de sport enfin pour vous dire qu'à 7 jours de début de l'Euro, la préparation continue pour les Diables Rouges qui affronteront la Norvège dimanche à 18h au Stade Roi Baudouin. Après le partage mercredi soir face à la Finlande, les plus fervents supporters des Diables attendent une prestation plus rassurante de l'équipe avant son départ pour la France. Une fois la rencontre amicale jouée, les Belges boucleront leurs valises et prendront la direction de Bordeaux. Ils prépareront ensuite leur entrée dans le tournoi prévu pour rappel le lundi 13 juin face à l'Italie. Fun Radio. 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon et Stebrec. Avec ça, on peut s'offrir de belles vacances. Barcelone, c'est parti. Prime de recyclage comprise sous condition. Seat. Et sans déconner Jean-François, nos Diables qui vont ensuite s'installer à Bordeaux, on voit bien que nous sommes un pays d'épicuriens. Les mecs, ils vont aller picoler du Saint-Émilion, du bon vin, etc. pour être en pleine forme. J'espère que ça va les aider à remporter tout ça. Allez, on est optimiste, on est derrière les Diables pour cet Euro qui arrive dans pas longtemps. La météo pour ce vendredi 3 juin, de Douf. Après la brume et les bancs de brouillard locaux, le soleil pourra ensuite tenter quelques percées sur le centre et l'est du pays avant le retour dans le courant d'après-midi de quelques pluies ou même des orages, surtout sur l'est de la Belgique. Les maxima atteindront 13 degrés à la côte et 15 à 20 degrés sur les autres régions. À partir de demain jusqu'en milieu de semaine prochaine, le temps restera encore très instable. Prochain rendez-vous de l'info à 7h30 et tout de suite, c'est Rochelle sur Fun. Fun. Fun Radio. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Du son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Radio, merci de commencer cette journée de vendredi avec nous. Nous sommes vendredi 3 juin, aujourd'hui il est 7h08 et je vous dis bon réveil! Evan et la tribu! Oh l'autre con! Monte le son plus fort, Olivier. Mais oui, monte le bec. Evan et la tribu, ça sert pas à plus chanter. Ça fait trop du bien. Merci, on trouve DJ Oli. L'esprit DJ Oli, hein, ouais. Ce matin, c'est Oli qui réalise cette émission, Oli de Party Fun. Bienvenue tout le monde, c'est Party Fun avec ton yes. Martin Garrix qui va mixer. Je me mets en mode Party Fun aussi. Ça va mon Oli, bonjour. Mais ça va très très bien, bonjour. Tu sais quoi, il y a Sandro qui vient d'arriver dans les studios, c'est pas magique ça? C'est une blague? Non, je te jure. Il est là. Putain, mais quel connard. Putain! Ah, il s'est pas réveillé le coco. Alors, on va expliquer aux auditeurs parce que ceux qui viennent de nous rejoindre ne comprendront pas. Alors, il y a plusieurs loos. Moi, je suis en France parce que j'ai été coincé par les grèves françaises. Merci les grèves. Enfin, il y en a aussi en Belgique, donc ils font pas mieux que nous. Et puis ensuite, Sandro revenait de vacances ce matin. Mais à 6h, il y avait personne. Donc, du coup, Justine est partie réveiller Oli qui est voisin de la radio. Merci d'être voisin de la radio. Ah, bah, écoute. Et donc, Oli a pris l'AREA à l'arrache. Sandro, rapproche-toi du micro, mon doudou. On va te faire parler ce matin. Tu vas devoir présenter tes excuses surtout à Oli et à Justine parce que bon. Moi j'étais là, je m'en foutais, mais alors les deux ils ont flippé grave. Hein. Oh là là, là. Bonjour Sandro. Bonjour tout le monde. Je me sens honteux, je ne sais même plus parler. Surtout il est tout rouge le pauvre. Surtout qu'il y a Lloyd qui, écoutant qu'on était en panique ce matin à 6h, est dans sa voiture et arrive à l'arrache dans 10 minutes. Eh ben on sera tous là. Il a rameuté tout le monde le mec. Il peut faire non, mais écoute. Hein. Hey, prévoyez un apéro les gars. Evan, franchement, s'il n'était pas venu 5 minutes de plus, on appelait l'armée hein, pour remplacer quelqu'un. Et en plus, Lloyd, je l'ai au téléphone, hein, il me dit je comprends pas, j'ai croisé Sandro avec 4 personnes dans sa voiture hier dans un tunnel, le tunnel Badou, il m'a pas vu, mais moi je l'ai vu. Ah ouais, donc, Madou, pardon. Madou. Le tunnel mythique. Je confonds avec Eli Badou de Canal Plus. L'animateur. Bon, j'espère que tout va bien ce matin. Toute l'équipe est là. Yolande, Justine, Sœur Khalid du jour. Bonjour François, l'info météo, l'info trafic. Pour le son Dance Floor. Dans un instant, on va se faire kiffer avec Galantis. Il y aura aussi du Jason sur Fun Radio avec Sean Paul, il est pas tout seul. Et puis on va se faire du Maître Gims aussi. Justine, est-ce qu'on fête des prénoms ce 3 juin? Ouais, on fête les Kevin, voilà, c'est tout. Tout simplement. Voilà. Une bonne fête au Kevin, notamment, qui travaille avec Audrey l'après-midi entre 17h et 20h dans l'Happy Hour. Dans quelques instants, j'aurai à vous offrir votre MacBook Air. Vous allez pouvoir gagner, comme Eric de Braine-l'Alleud le lundi, Nadia de Montigny, c'était mardi, Victoria mercredi, ou hier Jordan de Liège. Pour l'instant, la parité homme-femme est respectée. Ce sera peut-être à vous de remporter ce MacBook Air qui est mis en jeu ce matin. Et il y en aura un deuxième qui sera mis en jeu cet après-midi chez Audrey entre 17h et 20h. C'est une question que vous posera Justine dans quelques instants. Si vous avez la bonne réponse, que vous êtes rappelé et que vous décrochez avec cette bonne réponse, à vous le MacBook Air ce matin. Nous allons parler de mathématiques dans quelques instants, parce que je me suis replongé dans des trucs d'algèbre que quand on était à l'école, et je me suis dit, il faut absolument que je teste l'équipe ce matin pour voir à quel point on est nul. Et rassurez-vous, je me mets dans le on est nul. 7h12 sur Fun Radio. Allez, la suite. Petit déj gratos sur Fun Radio. Nous avons Ambre qui est avec nous. Bonjour Ambre. Ambre une fois, Ambre deux fois. Ambre, bonjour Evan. Ah, Ambre, bienvenue à toi. Nous sommes ce matin dans un festival de problèmes techniques, mais ce n'est pas grave car la bonne humeur est là. Nous sommes heureux, c'est la joie de vivre. Youpi, youpi. Alors, Ambre, ce matin, nous sommes dans quel coin de Belgique pour le petit-déj gratos? Donc, nous sommes dans la province de Namur, à Anden. Ah, c'est la province de notre réalisateur matinalier, oui. Ce matin, Oli. Ah, il est de Namur. C'est Namur, un bon Namur. Ah, bah, oui. Ah, de Namur, hein, Oli. On est bien à Namur. C'est pour ça que t'as déménagé. Alors, Ambre, quel est le nom de ta boulangerie? La boulangerie Le Coin de Saveur, avenue Roi Albert, numéro 205, 5300 à Anden. On est donc à Anden ce matin. Qu'est-ce que tu offres pour le petit déj gratos aux auditeurs qui viennent te voir de la part de Fun Radio? Nous offrons un pain au chocolat et un croissant. Le rendez-vous est pris. Et Ambre, je voulais te dire deux choses. D'abord, j'aime énormément ton prénom. Et la deuxième, c'est que vraiment, t'as une voix kiffante. Tes clients doivent être heureux quand tu dis vous voulez une ou deux cooks, monsieur? Je te fais un gros bisou, Ambre. Je t'embrasse très fort. Merci, ma chérie. Merci. Bisous à toi. Aussi. Voici le son de Galantis sur Fun Radio de Monet. Puis on met sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu l'adresse du petit déj gratos pour aujourd'hui vendredi. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Il est 7h17 sur Fun Radio, en direct ce matin entre 6h et 9h comme chaque matin, pour vous réveiller tel que vous êtes, vous secouer. Le son Dance Floor et la déconne, Jason et Sean Paul vont arriver dans un instant. Et Justine va vous rappeler ce qu'il y aura à gagner dans quelques minutes grâce à sa question du jour. Ouais, on vous offre un MacBook Air, donc l'ordinateur de chez Apple, qui vaut quand même plus de 1000€ les amis. Voilà, tout simplement, vous nous appelez dans un instant avec votre GSM. Dès qu'on vous aura posé la question, il suffira d'envoyer un SMS avec Mac devant votre message, suivi de la bonne réponse. Ce sera juste après le son de Jason. Je vous ai promis qu'on allait parler de maths ce matin et j'ai déjà eu un message de Priscilla qui me dit par SMS au 3044. Salut la tribu, en tant que prof de maths sadique, j'ai hâte de vous écouter sur les questions d'algèbre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma fille, hier, elle est rentrée à la maison en me disant dis donc, papa, oui, elle parle comme ça, dis donc, papa, tu pourras pas m'aider pour l'exercice de maths, j'ai un contrôle demain. Et elle m'a filé son exercice et c'était un exercice d'algèbre. Donc du coup j'ai pris en photo l'exercice en me disant ça serait marrant que je teste l'équipe parce que moi il a fallu que je me replonge dedans. Et sans déconner je me suis dit mais putain ça va être dur. En fait je sais pas si vous vous souvenez de développer puis réduire les équations. Ça vous dit quelque chose ou pas autour de la table? Ou rien du tout? Il y a les mises en évidence et tout ça? C'est trop compliqué ta question. Par exemple, non mais je vais faire l'exercice avec les auditeurs. Si je vous dis parenthèse x plus 3, fermez la parenthèse, parenthèse x moins 2, fermez la parenthèse, est-ce que vous êtes capable de me réduire cette équation? Bah oui, a priori. Vas-y, dis-le. Ah, mais attends, écrite, répète, hein. Je dois l'écrire, attends. Alors, donc, alors, je le dis, les auditeurs vous jouent aussi en même temps. Parenthèse x plus 3, fermez la parenthèse. Oui. Parenthèse x moins 2, fermez la parenthèse. Est-ce que vous pouvez me réduire, donc développer puis réduire? Il y a donc au moins deux lignes derrière. Donc, vous jouez par SMS au 3044. Justine, est-ce que tu es capable de le faire, toi? Ouais, mais il faut me laisser 5 minutes, quoi. Ok, et ben on va regarder ce que ça donne. Chacun fait l'exercice de son côté. Khalid aussi. Oui, bien sûr. Khalid un peu à l'école quand même. Hein. Bah, c'est des chiffres arabes aussi, donc j'ai pas le choix. Quelqu'un me dit ça reste identique. Oui, mais il faut réduire les enfants, c'est ça, c'est développer puis réduire. Donc SMS 3044, chacun fait l'exercice et on le corrige là dans deux secondes, juste après le son de Jason et Sean Paul. Un petit peu de mathématiques pour se creuser la tête dès le matin. Je suis sûr que les mecs ils se disent, mais c'est pas possible. L'autre con, Evan, là, il nous propose des problèmes d'algèbre le matin, 7h19. Eh ben oui, c'est moi, bonjour. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Audrey dans la place. Wesh gros. Fab est dans la place. Et il n'y a plus de place. L'Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah mais je l'avais dit, hein, tant que le jackpot n'a pas été gagné, je continue mes blagues idiotes. Alors attention, que fait un Américain avant de mettre ses chaussures? Il masse sa chaussette. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là, oui. Merci, Loto. Montez sur le terrain. Aujourd'hui, recevez gratuitement avec votre DH un brassard officiel de Capitaine Fairplay. Enfilez ce brassard et supportez l'équipe nationale. Tous les supporters veulent le brassard Fairplay. La DH vous l'offre. Demandez votre brassard gratuit avec la DH d'aujourd'hui. Pour vous secouer dès le matin, yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Hey, it's your pal inside. The man them called Jason. For the girl them, telling them again what we tell them. Pass me a drink to the left, said her name was Delilah. And I'm like, you should come my way. See that? Yeah. Hey, I already surrender. Damn girl, that body's fire. You want? I'm thinking maybe you're the right. my love go. Il est 7h22 sur Fun Radio, je vous ai calé Maître Gims avec Zoom Zoom juste avant 7h30 et une question d'algèbre ce matin parce que j'ai dû réviser ça avec ma fille hier. Je me suis aperçu à quel point j'étais vraiment un boulet. Vous êtes nombreux à répondre, je vais la redonner en speed et on va tester l'équipe. Alors, si je vous dis développer puis réduire, parenthèse X plus 3, fermez la parenthèse, parenthèse X moins 2, fermez la parenthèse, Justine. Bah on a tous la même réponse en fait. Vas-y, fais péter. On a X carré plus ouais. X moins 6. Bonne réponse, bravo, ouais. Ah, vous avez un bon niveau. On reste. Ce matin, alors il y avait eu du 2x moins 1, il y a eu du 2x plus 1, pardon, je me suis trompé. Et alors, beaucoup de bonnes réponses, comme quoi eh bien, on a des auditeurs qui sont plutôt bons en maths. Et Priscilla, qui est la prof de maths qui nous écoute, nous dit, eh bien effectivement, x carré plus x moins 6, on applique la double distributivité, puis on réduit les termes semblables. Rien que la phrase m'a donné envie de prendre un aspirine, c'est ça. Bah, bravo en tout cas l'équipe, hein, bravo, tout le monde a trouvé là autour de la table, vous êtes fort. Franchement vous êtes fort, je suis vraiment fier. Fier de vous, je me mets droit. Et je vais chanter la Brabançonne. C'est pour ça. On va écouter le son de Maître Gims dans un instant avec Zoom Zoom. Et puis juste derrière, ça sera la question du jour qui vous permettra de gagner ce matin votre MacBook Air. Petite Brabançonne matinale. La fierté. Oui, tel le papa avec ses enfants. J'en ai beaucoup des enfants. Et surtout, le plus dur à gérer, parce qu'il bouffe tout le temps, c'est Jean-François. Mais je suis fier d'eux ce matin. Car ils ont réussi à trouver ce problème. Merci à vous. Je suis la main sur le cœur. Je t'aime, Justine. Le cœur, c'est plus haut, Evan. Hein. C'est bizarre parce que le cœur a une odeur. Allez, Disney Channel présente. Et action! 5 amis qui ont une chose en commun. Ils ont une passion. Je crée de super vidéos. De la magie numérique. J'ai un vlog beauté. Je compose des chansons. Qu'ils partagent en ligne. Suis Nina, Max, Tommy, Zoé et Elise dans la toute nouvelle série Just Like Me. Dès le samedi 28 mai à 8h45 sur Disney Channel. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes Quechua se montent et se démontent en 2 temps 3 mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre. Oh les gars, on voit plus rien là. Faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les. Et les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Oula, toi t'as pas l'air bien du tout. Bah c'est relou, je trouve pas de vacances pour le mois d'août. Mais tu t'en fous, Marilou. De toute façon, t'as pas de sous. Regarde, tu fais de la place dans ton cote, t'achètes une piscine gonflable, t'invites tes potes et c'est all-in à Chaumont-Gistou. Ouais, mais s'il y a de l'eau partout. Mais s'il y a de l'eau partout, allez, prends un alou, tu m'énerves. L'anti-coup de mou, c'est Nalou. Bah, il est terrible ce festival. En plus, j'adore ce groupe. Ah ouais, moi aussi. Mais dis, ça serait pas mieux si on était à l'intérieur du festival quand même. One extra cash. Play cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. Fun Radio présente la compilation Club and Dance avec Toujamo et Tayo Cruz, Martin Solveig, Boss, Linka et Mondélogé, Basto et Natasha Bedingfield, Oksoon, DJ Flash featuring Kevin Mengi, Magic Cut, Willy William remix dédiqué, en vente partout. Fun Radio, Fun Radio, le son dance floor. Coffee and a cigarette. We will smoke the last one in my twin size bed. This moment feels safe and sound. Though we know the storm is coming to take us down. Save your life. whenever we close this door, the one that leads to heaven on the second floor. Envoyez un radar. Informez Evan. Il passera l'info à toute la communauté Fun Radio. Pour ça, SMS 3044 pour rouler en toute sécurité. Et ton fils, blesse, blesse, m'as-tu dit, Ribéry, Benzema, Benzema, oh, Pogba, Pogboum, what are we, what I know. Elle a jeté son cœur dans le fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle a dansé dans le noir. Tout à coup, le sol s'allume comme dans Billy Jean. Tout s'accélère. Elle veut contrôler le monde, tout comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager. Ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet. Mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de ralentir, tu t'effraies peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. Berlin, my Berlinetta. Berlin, Berlinetta. Berlin, my Berlinetta. Berlin, my Berlinetta. Veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. Il est 7h30 sur Fun Radio, il y aura le son de Riton dans un instant et la question du jour qui vous permettra de tenter de remporter votre MacBook Air ce matin à l'écoute de Fun Radio. Un mot sur l'infotrafic, sur Khalid Dujambon. Excuse-moi, non, ah non, non, parce que j'étais en train de me marier à l'autre qui m'a envoyé, il m'a fait une vanne, mais j'expliquerai ça tout à l'heure. Info trafic de Métine sur la E40 à partir de Haas Road, ralentissement en direction de Bruxelles, mais c'est mieux qu'hier, donc ça va, prudence à vous quand même. Et alors il y a Arthur qui nous signale que la chaussée de Waterloo à Bruxelles est complètement bouchée, donc prudence à vous tous. SMS 3044 pour nous informer de vos conditions de circulation, s'il y a des radars, et puis quelqu'un nous dit, les amis, possible de redonner l'adresse du petit-déj, car je suis chauffeur, et j'ai plus de 4 grammes pour aller voir, 4 grammes. Ah non, j'ai plus de 4G. C'est de la 4G. Il réagit exactement comme Yolande quand elle a une quarantaine. Je sais pourquoi le mec il a plus 4 grammes. Non, c'est 4G. Ça, c'est des réflexes de drogués, ça. Hein. Non, des réflexes d'alcoolique. Non, mais... Justine, rappelle le petit déj, s'il te plaît. Ouais, on est en Andenne ce matin. Vous allez avenue Roi-Albert. Mais quelle équipe de merde ce matin. Mais, putain, mais c'est pas possible. Et il y en a ça pas. Va, pour hein. Ah, ben ça va, je peux m'exprimer. Et Je suis pas la pire non plus. T'es pas la pire, mais dans le top 3, t'es pas loin. Elle est dans le top 1. Alors. Ça sentait du cœur quand même. Hashtag radio de bras cassé. Bon, Justine, est-ce qu'on peut avoir cette adresse de petit-déj gratos ce matin, s'il te plaît, ma doudou? Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. Au pire, elle est sur Facebook. Hein. Le mec te dit qu'il a plus de 4G. C'est pour ça qu'il a besoin de. Alors, c'est avenue Roi-Albert, au numéro 205 à Andenne, et la boulangerie s'appelle Le Coin des Saveurs.

club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Time to make the club go up. Time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat, and it just goes on. Il est 7h39 sur Fun Radio. Merci de commencer la journée avec nous. Vous soyez du côté de Namur. On salue également nos auditeurs, nos auditrices qui sont du côté de Dinan. Et puis ce message, j'adore vous entendre rire comme ça. Continuez ainsi. Gros bisous. C'est Myriam de Bellecour qui nous souhaite une bonne journée. Merci. Grosse crise de fou rire avant les infos. C'était tout à l'heure. Avant 7h30, c'est vrai que ça nous a fait du bien. Si le rire est un bon steak, et ben on a mangé une vache tout à l'heure. On va se faire dans un instant. Vanne d'agriculteur. c'est une vanne de vieux. Hashtag phrase du jour. Partagez sur le Facebook si vous voulez bien, mais mettez l'auteur, hein, c'est Evan. Il y aura le son de Zouf dans un instant. Fabien Feillet va arriver et c'est l'heure de retrouver la question du jour proposée par Justine qui va vous offrir. Enfin, c'est pas elle qui vous offre directement, c'est le MediaMarkt qui vous offre ça. Le MediaMarkt de quel coin d'ailleurs, Justine? Je sais que t'adores le prononcer. Justine Petersleu. Oh, tu le fais tellement bien. Nous allons vous offrir ce matin votre MacBook Air. Vous allez tenter de le remporter comme Eric de Braine-l'Alleud, le Nadia de Montigny, Victoria de Sprimont ou encore Jordan de Liège hier. Voici la question du jour. Alors, ça a beaucoup tourné hier, ça devrait être facile. Quel animal est né hier à Péridaïsa? Je vous propose trois choses, soit un panda, soit un pélican ou bien un flamant rose. C'est bizarre, parce que je pensais que tu allais mettre un journaliste dans la proposition. Alors, si vous avez la réponse, vous envoyez un SMS avec le code MAC MAC suivi de votre proposition, tout ça au 6322. Si je rappelle avant la fin de l'émission, à tout moment, je rappelle l'un ou l'une d'entre vous et que vous avez la bonne réponse, vous repartez ce matin avec le MacBook Air. On répète encore une fois la question pour ceux qui sont mal réveillés en ce vendredi matin. Quel animal est né hier à Péridaïsa? Soit un panda, soit un pélican, soit un flamant rose. Vous envoyez donc Mac en premier dans votre réponse, dans votre SMS, suivi de votre proposition de réponse. Bonne chance à vous, tout ça au 6322. On revient juste après le son de Zouf, c'est Miamor qui débarque. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas et Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. Voilà, nous arrivons maintenant au trou le plus difficile du tournoi, certainement. Ouh, quel swing, bravo. Oh, la balle file tout droit vers... Non, oui, all in one, voilà. Non, attendez. Un écureuil vient de chipper la balle et de la déposer au trou suivant, mais ça veut dire... Oh, ça veut dire double all in one. J'ai jamais vu ça, jamais. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Golf de Volkswagen. Découvrez la série spéciale All-Star, généreusement équipée, mais aussi un avantage client de 5 500 €. Plus d'infos sur Volkswagen.be. Mon amour, pour nos 10 ans de mariage, j'ai décidé de nous offrir les Caraïbes. Oh, c'est pas vrai! Enfin, quand je dis les Caraïbes, j'ai juste acheté une île. Hein. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Ce vendredi, jackpot de près de 63 millions d'euros. Jouez à Euromillion dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Avant, je me trouvais dans une voiture téléguidée. Vroom. Et moi dans une lampe de poche bleue. Mais maintenant, on traîne à la cave. Oh là là. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bebat, car Bebat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bebat. Bebat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Taré comme jamais, tous les matins, 6h-9h, Evan et la tribu sur Fun Radio. Mi amor, favor, ce fait ces gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. T'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Mais je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille, et dans la nuit, je vois que tu souris. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. J'ai du son dance floor pour bien débuter cette journée de vendredi. Le petit déj gratos d'ailleurs aujourd'hui, c'est le coin des saveurs. Ça se trouve à Andenne. L'adresse est sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Et rappelons Justine cette question qui vous permet ce matin de repartir pour la dernière fois. Hein, ce matin, après 4 MacBook offerts cette semaine, avec le dernier mis en jeu dans le morning. Rappel de la question de ce matin, s'il te plaît. Et quel est l'animal qui est né hier à Péridaïsa? Soit un panda, soit un pélican, soit un flamant rose. Et si vous avez la réponse, vous envoyez un SMS avec le code MAC, M-A-C, suivi de votre proposition au 6322. Et ce qui est drôle, c'est le nombre de codes différents. Vous envoyez MAT, M-A-T, vous envoyez MAG, M-A-G, vous envoyez MAP comme un plan. Non, c'est MAC comme un MAC, tout simplement. M-A-C en premier dans votre message, tout ça. Au 63 22 sur la E411, direction Luxembourg, à la borne 70.3. Attention, il y a un arbre couché sur la bande de droite et le passage est très dangereux. Voilà le message qui vient d'arriver par SMS. Bonjour, 44. Bonjour, Lloyd. Comment ça va? Ça va, mon doudou? Bah, plutôt bien, ouais. Ça y est, t'es arrivé péniblement? Déjà, depuis combien de temps pour venir? Une bonne demi-heure, ouais. Ouais, tu venais d'où pour aller jusqu'à où qu'on voit à peu près le trajet? Braine-l'Alleud, donc forêt. J'ai quand même mis 55 minutes à 6h du matin. Ah, le truc de ouf. Alors, ce matin, Lloyd est arrivé à l'arrache puisque, en fait, notre réalisateur Sandro revenait de vacances. Hein. Il était censé être là à 6h. À 6h, personne. Donc, Lloyd a écouté ça. Il s'est dit, bon, vite, faut que j'arrive à la radio pour réaliser. Moi, je suis en direct de France ce matin parce que je me suis retrouvé coincé à cause des grèves françaises. Merci la technologie. Et puis, Sandro va te payer une bouffe lundi hein, pour s'excuser. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, mais tu m'as dit, arriver vite à la radio en Belgique, ça devient difficile d'arriver vite quelque part. C'était tellement vrai. En tout cas, oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, tu vas pas revenir chez toi pour revenir tout à l'heure à 9h. Hein, ça n'a pas de sens. Tu vas rester. En fait, revenir chez moi, c'est impossible parce que je reviendrai vers 16h. Parce que faire l'aller-retour à cette heure-ci, c'est juste impossible en fait. Bon courage, mon Lloyd. Et tu sais ce qu'il te reste à faire? À prendre un menu de choix lundi lorsque Sandro va t'offrir à manger. Entrée, plat, dessert, je te préviens, avec le pouce café à la fin. Ça va lui coûter une blinde. Je vais le faire. Allez, après. 7h48 sur Fun Radio. Fabien fait yesh. Fabien fait yesh. Aujourd'hui, Fabien Feillèche a trouvé un monsieur qui proposait un vélo à vendre, sauf que le vélo est déjà vendu. Mais vous connaissez bien Fabien Feillèche, c'est le genre de mec à pas du tout insister et pas du tout être relou. Écoutez. Fabien Feillèche. Allô. Ouais, bonjour monsieur, je m'appelle Fabien Feillèche, j'appelle par rapport à l'annonce. L'annonce du vélo là. Ouais, sur bon coin. Ah ouais, bah je suis désolé, il est vendu. Comment ça? Bah il est vendu. Ouais, d'accord, mais alors, justement je voulais savoir il est à combien. Non mais il est déjà vendu, ouais. Quelqu'un l'a acheté. Super, ok, et moi je pourrais passer pour l'essayer? Ah bah non, c'est trop tard, il y a un malentendu là, ouais. Il est vendu. Ouais, donc je peux venir l'essayer? Ah non mais c'est trop tard, il est vendu. Bon, bah j'arrive, à tout de suite. Mais il est fou lui ou quoi? Oui, allô. Ouais, c'est encore Feillèche là pour le vélo là. J'ai une question. Est-ce que c'est des freins ABS? Il a pas de frein, le vélo. Il a pas de frein le vélo. Il est vendu. Ah, ça m'arrange pas s'il a pas de frein le vélo. Il y a plus de frein, le vélo il est vendu. D'accord. Il est vendu. Ouais, d'accord. Donc c'est quoi? C'est les freins tambour ou c'est freins tampon? Allô. Ouais, j'avais quand même une question par rapport au nombre de vitesses sur le vélo. Non mais il y a plus de vitesse, le vélo il est vendu, je ne l'ai plus, il est vendu. Ah, c'est un vélo sans vitesse? Mais non, c'est pas un vélo sans vitesse, mais il est vendu, ça suffit maintenant. Deux, c'est-à-dire? Pas de bruti, va. Allô, mais il a combien de vitesses alors? Ouais, allô. Ouais, c'est toujours Feillèche là. Coucou là. Dites-moi pour le vélo là. Il est vendu, c'est trop tard. Trop tard, c'est-à-dire il est trop tard pour passer le prendre là. Vous préférez que je passe demain? Non mais ça suffit, il est trop tard maintenant. Il est vendu. Ah, donc il est disponible. Mais non, il est pas disponible. Ah d'accord. Donc je peux passer le prendre. Mais non, tu peux pas passer le prendre, il est vendu. Mais qu'est-ce qui est vendu? Mais le vélo. Bah je m'en fous, moi j'en veux pas du vélo. J'ai déjà une bagnole. Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes alors à m'appeler comme ça quoi? Ah, c'est comme ça, c'était juste pour Feillèche. C'est réussi, connard. Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Feillèche, sur soundcloud.com, en tapant dans le moteur de recherche, Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends, avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h, avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumet Oskan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son d'Esclore. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ah mais je l'avais dit, hein, tant que le jackpot n'a pas été gagné, je continue mes blagues idiotes. Alors attention, que fait un Américain avant de mettre ses chaussures? Il masse sa chaussette. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 3 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là oui, merci loto. Vivez l'Euro 2016 avec Le Soir. Toutes les infos indispensables pour suivre l'Euro match après match. Le calendrier complet, un zoom sur chaque équipe et sur les stades, les statistiques et le palmarès. Vendredi 3 juin, ne manquez pas le guide pratique de l'Euro 2016. Un magazine de 92 pages offert avec Le Soir. Le Soir, je lis, donc j'agis. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance. Le son dance floor. We'll be right back. c'est pas parce que vous aimez manger des anchois sur les pizzas que vous n'avez pas le droit de bien vous réveiller. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Enfin, manger des anchois, ça va, mais tremper votre pizza dans le café à 8h, c'est un petit peu bizarre quand même, ça, non? International et la connexion. Kiska, Youssoufa est dans la maison. Devant, Bipa da Big Nan. Les filles, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. J'ai dit, faites bouger la fête. Faites bouger la fête et la tête de tous les garçons. Friday night went on way too long. I woke up in a stranger's home. Shots of De Leon. You know that girl really turned me on. We were on the floor and so much more. Kept moving that away. And we left the club and fell in love. And then I heard her say, let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. But after all, I can't recall. I can't recall one thing. It's time for some action. Pure satisfaction. Faire fort, finir friqué, entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je brise en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more. Kept moving that way. Pendant que la police quête mon star, ghetto star, nécropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoke and wine. Merci monsieur Youssoufa, merci Chris Cap. 7h58 sur Fun Radio, les infos dans un instant, la météo, le petit déj gratos. C'est justement, j'ai un petit message très sympa de Cédric qui me dit merci pour le petit déj gratos ce matin à Andenne. Et pour info, la vendeuse est très jolie, je n'en doute pas, elle s'appelle Ambre, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Et en plus elle a une très belle voix. Info trafic sur Cali du Jambon. Mégane nous signale des fils sur le ring de Braine-l'Alleud, prudence à vous. Bon courage à vous. Allez, c'est l'heure de regarder ce qu'il y a dans la boîte de notre Khalid National. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Et 60 euros qui sont toujours dans cette cagnotte à rafler avec un virement directement sur votre compte fait par notre Nadine Générale à la compta. Voici le rappel des indices concernant ce qu'il y a dans la boîte de Khalid. Justine. Ah pardon. Le pire, c'est qu'elle me regarde. Alors que c'est toi depuis le début qui lui donne toujours. Mais on n'est pas dedans ce matin. On n'est pas dans la boîte non plus. Hein. Bon, alors, ça mesure entre 5 et 10 cm. Oh. On a l'indice chapeau, l'indice plat, l'indice contenant. Ce n'est pas une boîte. Ça tient dans la main et ça ne coûte pas cher. Alors, on avait quand même des indices comme ça n'est pas une boîte, c'est ce qui est arrivé hier, parce qu'on avait une proposition de Tupperware. Sœur Khalid du Jambon, nous avons essayé de te poser des questions, de faire avancer, puisque nous aussi, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, donc on essaie d'aider nos auditeurs pour qu'ils puissent remporter la cagnotte actuellement qui est de 60€ et qui va peut-être, à mon avis, monter encore la semaine prochaine. Donc, est-ce que tu peux nous donner un indice supplémentaire par rapport à hier qui pourrait nous permettre d'avancer un petit peu, parce que là, c'est vrai que tu nous pièges, hein, on tourne autour du pot et on ne trouve pas. Khalid. Est-ce que d'abord, il y a une fermeture? Ah, bien comme question. Ah, bien sûr. Il y en a. Mais fermeture éclair? Pas, non, oui, on va dire oui et non. Donc, pas fermeture éclair comme dans le sens où tu l'entends, mais fermeture éclair, c'est-à-dire rapide. Ah. Tu sais, c'est comme les trucs de fromage que tu peux refermer là une fois que tu les as utilisés. Ah oui, c'est fromage génial, râpé, ça. Puis tu peux le refermer en toute sécurité. C'est une fermeture c'est comme la ça. Mauvaise réponse. De toute façon, quand tu hurles comme ça, j'étais persuadé que c'était la mauvaise réponse. Oh. De toute façon, juste tout le temps aussi, hein, donc c'est normal. C'est vrai, c'est pas faux. Justine, une question? Non, mais du coup, est-ce qu'il y a un couvercle? Oui. Ah oh, putain. Yolande, est-ce que c'est hygiénique? Dans quel sens? Bah, est-ce que ça sert pour l'hygiène? Est-ce que c'est dans le sens papier ou... Mais non, est-ce que c'est quelque chose qui sert à l'hygiène corporelle? J'en sais rien. Non, pas du tout. Non, okay. Tu peux l'utiliser comme hygiène corporelle, mais c'est ton problème à ce moment-là. Donc ça veut dire que c'est très long. Hein. Bon, ça je vois pas, ça me saoule. Je vais vous donner maintenant l'occasion à vous de jouer. Hein, si vous voyez ce que ça peut être ce matin, ce qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Khalid, vous envoyez directement Evan, EVN, par SMS au 63 22 pour faire avancer ce qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il y a 60€ ce matin dans la cagnotte. Bonne chance à vous. Le son de Major Lazer, c'est ce qui arrive dans un instant. Bienvenue, il est 8h. Fun Radio. Fun. Hey, il y a 100 000€ à gagner au concours foot de Krefeld. On y va les gars. Ouais, tous ensemble, Krefeld. Les meilleurs prix, service compris. Restez bien là, dans moins de 10 minutes, je vous rappellerai l'adresse du petit déj gratos. On est du côté d'Andenne ce matin, mais d'abord 8h01, les infos, la météo, c'est avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Nouvelle perturbation dans les réseaux en commun, le transport en commun dans la région de Charleroi, mais également à Mons, dans la région du centre ainsi qu'à Liège. La circulation est aussi en partie perturbée dans la région de Namur et dans une moindre mesure dans le Brabant wallon et la province de Luxembourg. Toutes les infos sont mises à jour sur le site infotech.be. Renseignez-vous bien pour éviter toute mauvaise surprise. Même chose pour la SNCB, même si là, un accord semble avoir été trouvé. On annonce une reprise progressive du trafic sur le rail dès ce matin. Une nouvelle réunion est prévue dans le courant de la matinée. Le gouvernement bruxellois est tombé d'accord hier midi sur le plan climat-air-énergie qui prévoit notamment de serrer la vis sur les émissions de polluants par les véhicules automobiles. L'ensemble du territoire de la capitale deviendra une zone basse émission à partir de 2018. À partir de cette année, les véhicules diesel datant d'avant 1997 seront interdits de circuler dans la capitale. Le contrôle des véhicules sera assuré par des caméras à partir de la plaque d'immatriculation. On estime que la pollution de l'air est responsable de quelque 12 000 décès prématurés par an en Belgique, dont 620 rien que dans la capitale. On apprit hier que le chanteur Prince est mort des suites d'une overdose de fentanyl, un puissant médicament antidouleur. Le fentanyl est considéré comme 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. Et puis on apprend aussi qu'un mois et demi après sa mort, l'engouement pour la musique de Prince s'est un peu étiolé, mais l'album Purple Rain reste en 12e position des ventes aux États-Unis. Mi-mai, pas moins de 19 albums de l'artiste figuraient dans le classement des 200 meilleures ventes aux États-Unis, ce qui constitue un record. À 7 jours du début de l'Euro, la préparation continue pour les Diables Rouges qui affrontent la Norvège dimanche à 18h au stade Roi-Baudouin. Après le partage mercredi soir face à la Finlande, les plus fervents supporters des Diables attendent une prestation plus rassurante de l'équipe avant son départ pour la France. Une fois la rencontre amicale jouée, les Belges boucleront leurs valises et prendront la direction de Bordeaux et prépareront ensuite leur entrée dans le tournoi prévu pour rappel le lundi 13 juin face à l'Italie. Et puis on ne connaît pas évidemment encore la décision du tribunal, mais si la condamnation est prononcée, j'en connais qui vont se remplir les poches. En Russie, un garçon est conduit par sa petite amie parce qu'il ne l'avait pas demandé en mariage. L'attaque tout simplement en justice pour lui réclamer le remboursement de 530€ dépensés lors de leur liaison, notamment lors d'un voyage romantique en Crimée. Le procès dure depuis octobre 2015. L'homme a déposé 2 plaintes contre la fille pour l'argent qu'il avait transféré sur son compte et pour les frais qu'il avait occasionnés lors des vacances. Il a même gardé tous les reçus. On vous rassure en vous disant que les 2 plaintes ont été rejetées pour le moment, mais l'ex-petite amie, visiblement très rancunier, a fait appel devant un autre tribunal. 5300 euros d'avantage sur la Seat Leon et Stebrek. Avec ça, on peut s'offrir de belles vacances. Barcelone, c'est parti. Prime de recyclage comprise sous conditions. Seat. Allez, dans un instant, les réponses au petit-déj, non, à la boîte, pardon, je pensais à autre chose. Oh, qu'est-ce qu'on va pas bien ce matin. Les réponses au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, ce sera dans moins de 5 minutes. Et on termine ce flash avec la météo. Jean-François, je pense qu'on va tous aller se recoucher après 9h. La journée va commencer sous la brume et les bancs de brouillard locaux. Le soleil pourra ensuite tenter quelques percées sur le centre et l'est du pays avant le retour dans le courant de l'après-midi de quelques pluies et orages, surtout sur l'est du pays. Les maxima atteindront 13 degrés à la côte et de 15 à 20 degrés sur les autres régions. Alerte trafic. Comment ça se passe sur les routes en ce moment? Je sais que c'est le bordel, mais on va vous décrire un peu ce qui se déroule avec Jean-François. Ça se passe pas trop bien puisqu'on est déjà à presque 200 km de bouchons cumulés ce matin. Le plus gros ralentissement, c'est sur le ring de Bruxelles en direction du ring intérieur entre Ohitre et Bercel avec une heure de temps de parcours supplémentaire. Il y a également un véhicule en panne et l'entrée bloquée sur la E42 Mons vers Liège à hauteur de Spy. Et puis, tu le disais tout à l'heure, mais donc la route est toujours bloquée suite à une chute d'arbre. C'est sur la E411 dans le sens Namur-Luxembourg entre Courrières et Spontin. Et puis on nous signale également des animaux sur la chaussée avec du danger sur la A54 de Nivelles à Charleroi, exactement à Petit-Reux. Mais on rassure la famille de tous les réalisateurs de Fun Radio, c'est pas eux puisqu'ils sont tous dans le studio. Et tout de suite, le second Dance Floor est de retour avec Major Lazer et on revient à 8h30 pour les prochaines infos. Fun Radio. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Pour vous secouer dès le matin. Yeah. Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio. Amor. Let's go. 5 minutes sur Fun Radio, ce sera le Zap Télé de Du Jambon. Il est 8h09, nous sommes vendredi le 3 juin. Aujourd'hui, c'est Evan, c'est la tribu. Et je vous dis bonjour. Evan et la tribu, c'est sur Fun Radio. De 6h à 9h, une bande de décolleurs. Evan et la tribu, moi-même, sur Fun Radio. Et ça fait trop du bien. Merci d'être avec nous ce matin, toute la tribu est là, tout le zoo est là hein, ce matin pour vous réveiller, vous sortir du lit. Message d'infotrafic sur Khalid du Jambon. Ça bouchonne de partout Evan, c'est une catastrophe nationale, c'est scandaleux. Autoroute des Ardennes bouchée à hauteur de Tilf en direction de Liège, bref, c'est le bordel, c'est signé Arnaud de Sprimont. Et une info qui va t'intéresser Evan, puisque pour info, la Nationale 4 est bloquée au niveau de Bande. Eh bien très, oui, c'est matinal, hein, c'est normal pour tous les garçons, c'est logique. Donc si vous avez des infos à nous donner, SMS 3044, on va jouer au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte dans quelques instants. Et puis vous tous là, Justine, toi qui es fan des réseaux sociaux, il faut absolument que je te lise ce qui est marqué là sur Facebook par une amie qui est très proche et qui est pas une mytho, qui a publié, c'est maintenant officiel, c'est paru dans les médias et sur TF1, Facebook vient de sortir son prix d'entrée, 5,99€ pour garder l'abonnement Gold de votre statut de vie privée. Si vous collez le message sur votre page, il sera offert gratuitement. Non. J'ai dit coller, pas partager. Sinon, demain, toutes vos publications peuvent devenir publiques, ouais. Même les messages qui ont été supprimés ou les photos non autorisées. Et sinon, aussi, avant 3h du matin, il y a la dame blanche qui va venir te dire bonjour. C'est ça. Non, mais c'est quoi ce mytho? Ça sert à quoi ce message? Mais ça sert à quoi? Bah, rien. Mais non, c'est quelqu'un qui l'a inventé. Non, mais il y a des gens qui utilisent ça pour pirater les comptes et tout ça. Hein. Bah, même si tu fais un copier-coller sur ton compte, pour voir que vois-tu qui pirate ton compte, ça n'a pas de sens. Je suis pas hacker, donc forcément. Non, ce que je dis, c'est que vraiment la personne qui a publié ça, c'est Marilyn, c'est une amie très proche, c'est pas une mytho, c'est une maman de famille, voilà, très sérieuse. Et bon, je sais pas où elle a pris ça. Donc c'est mytho, pour toi c'est mytho. Bah oui, bien totalement, sûr. Okay. C'est connu en plus. Hein. Bah moi je l'avais jamais vu. Mais tu vois pas le message, tu sais, quand tu te connectes sur Facebook, il te dit ouais, c'est gratuit, ça le sera toujours. Ça je l'ai déjà vu, oui. Bah oui, bah voilà, Facebook sera toujours gratuit. Mais oui. Bon, très bien, c'est dit. Eh bien, on oublie ce petit passage concernant les réseaux sociaux, donc tant mieux, parce que de toute façon, moi j'aurais pas donné 5,99€ pour conserver mon compte. On est d'accord. Bob Sinclair à suivre dans un instant sur Fun Radio. Il y aura Ellie Goulding aussi. Aussi. Ouais, j'ai dit Ellie Goulding. Non, t'as dit aussi surtout. Vendredi 3 juin, c'est aujourd'hui. Nous fêtons qui en ce vendredi matin? On fête les Kevin. De bonnes fêtes à vous et bon anniversaire si vous êtes né aujourd'hui, donc un 3 juin, il est 8h12. Petit déj gratos sur Fun Radio. Rappelle-nous l'adresse du petit déj ce matin, on est à Andenne. Ouais, on est à Andenne, avenue Roi Albert au numéro 205. C'est la boulangerie Le Coin des Saveurs et Ambre vous offre un croissant plus un pain en chocolat par personne. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, c'est sur le Facebook qui est encore gratuit, hein, le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, on rappelle que nous cherchons le ce qu'il y a dans la boîte de Khalid hein, depuis plusieurs jours maintenant. Pour 60€, c'est ce qu'il y a dans la cagnotte. Nous avons Michael, 23 ans de Wavre, pour jouer avec nous. Bonjour Michael. Allô. Michael, une fois, Michael, deux fois, t'inquiète pas, on n'est pas à une loose près au niveau de la technique ce matin. On a tout notre donc temps, c'est surtout. Pas dramatique. Michael, une fois, Michael, deux fois. Oui, oui. Ah, je suis rassuré que ça marche enfin. Michael, bienvenue à toi, tu es de Wavre ce matin, et tu le seras peut-être encore demain, tu as 23 ans. Quelle est ta proposition de réponse quant à ce qu'il y a dans la boîte de Sœur Khalid du Jambon? Oui, donc moi j'avais dit un couvercle d'un pot de confiture de compote en métal. Très bien, Khalid. Ce n'est pas la bonne réponse, mais on s'approche dangereusement de la bonne réponse, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans la réponse de Michael? C'est le couvercle, oui. Ou c'est le côté ou le couvercle? C'est surtout le couvercle, mais voilà, je peux pas en dire plus, sinon je te donne la bonne réponse. Est-ce que tu peux nous dire la matière, en quoi c'est fait? Est-ce que c'est du fer? Non. Bah, du plastique? Non. Attends, c'est pas du fer, du plastique, qu'est-ce qu'il y a? Du bois? Non. De la silicone? Non. Non, du silicone. Non, silicone. Non, parlez de ses seins, Yolande. Non, mais alors, attends, c'est pas en fer, c'est pas en bois, c'est pas en plastique, c'est pas en silicone. Qu'est-ce qui reste comme matière? Du chocolat. Vert. Non, je rigole. En verre, c'est en verre. Non, c'est pas en verre du tout. Non, il y a différents. Mais je veux pas donner. Attends, que les choses soient claires. Si je dois donner la bonne réponse, c'est moi qui empoche les 60€. On est d'accord. C'est en tissu? Non. Mais putain, mais il n'y a pas d'autre chose qui existe? Bah si! Bah si, oh, putain! En alors carton. Attends! Non! Ah! C'est pas du carton non plus? Non! En bois. Chewing-gum. En bois. En chewing-gum. En frigolier. Couvert chewing-gum. Où est le rapport, s'il en vous plaît. Matière qui se mange. Mais non, mais on cherche la matière. Aidez-nous là par SMS. Vous envoyez Evan EVN suivi de votre proposition au 6322. C'est pas en fer, c'est pas en bois, c'est pas en plastique, c'est pas en silicone, c'est pas en verre, c'est pas en papier, c'est pas en tissu. Mais il n'existe plus rien sur Terre. C'est quoi, en or? En Elle chair. Est triste, ta planète. En chair. Et en nickel. Et en os. Oh, il non. Énerve. Oui, non. En fait, pour vous aider, c'est, on va dire, c'est un cousin d'un truc métallique. En aluminium. Oui. Ah, très bien. Ouais. Eh bien, on va rester là avec cet indice aluminium. Si vous avez une idée de ce qu'il y a dans la boîte, on rejouera dès lundi à partir de 7h55. Je vais rajouter 10 euros dans la cagnotte. On passe à 70 euros. Et on va remercier infiniment notre copain là, de Wavre, Mickaël, qui est reparti avec un petit cadeau. Allez, parce qu'il a bien fait avancer ce matin. Bravo. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Je t'offre une boîte de jeu 5 secondes chrono. T'es récompensé, mon doudou. Hein. Voilà, t'es pas venu pour rien. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Passe une belle journée avec nous. Bisous, mon doudou. Bonne journée à toi. 8h15. Voici le son de Bob Sinclair. Et j'espère que l'une d'entre vous va enfin trouver ce qu'il y a dans la boîte de Khalid lundi à 7h55. Vos propositions de réponse, vous envoyez bien Evan en premier dans votre message, suivi de votre proposition de réponse. On sait que c'est en aluminium maintenant et que c'est en rapport avec un couvercle. Moi, perso, Justine, je sais pas toi, moi j'ai pas trouvé, toujours pas. Hein. Bah, moi non. Moi, je pense que Justine a une petite idée et je pense qu'elle est sur la bonne voie. Mystère et boule de gomme. Sur Fun Radio, nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est Evan, c'est la tribu, on va faire le zap télé de du jambon dans quelques instants. Et puis ce message par SMS, échangeur d'Herstal, il est sous l'emprise d'une bande d'idiots qui m'empêche d'avancer, bouchon en provenance de Verviers et direction Liège. Si vous êtes dans la région, comme ça vous êtes au courant, c'est pas signé, pensez à signer vos messages qui nous indiquent tout au long de l'émission, hein, voilà ce qui se passe sur les routes. SMS 3044, juste avant qu'on écoute le son d'Eli Goulding. Allez, c'est parti pour voir et surtout écouter ce qui se passe à la télé. Le zap TV, listen up. Le Zap TV de du jambon. Allez mon Khalid, tu nous proposes quoi ce matin? Est-ce que tu connais l'émission 4 mariages pour une lune de miel? Alors je connais deux noms, mais franchement je n'ai jamais regardé. Non, je ne connais pas. Bah, le principe est très simple. 4 femmes sont en compétition et assistent à leur mariage respectif pour ensuite élire la plus belle cérémonie. Elles se clashent souvent, hein, non? Ah bah oui, je me suis bien marré parce qu'au début je me suis dit bon, encore des mariages, des trucs de à la con, rien que le titre m'attirait pas. Sauf que quand j'ai regardé, ça m'a fait plaisir. Et donc quand on critique le plus beau jour de la vie d'une femme, ça se crêpe le chignon comme pas permis. Comme ici, on va l'écouter. Ben, je pense qu'il faut d'abord regarder son propre mariage avant de critiquer. Et vous avez été en fait trois belles garces. Parce que sincèrement, que moi si j'ai jugé. Tu es la reine des garces. Ah non, pas du tout, tu as voulu parce nous faire que mon mariage, les trois, ils n'avaient même pas la cheville du mien. Tu te prends pour qui? Mais pour moi. Donc voilà. Oh, les poules. Ah oui, elle se bécote comme c'est pas permis. Et donc là, évidemment, dans les extraits qui vont suivre, on va découvrir trois sortes de garces. Ça, c'est la garce de base. Ensuite, il y a la garce Lascar de Maubeuge. Et toi, avec ton ambiance karaoké, ma tête, va jouer ta c*** ailleurs, dégage. Mais attends, mais tu t'es pris pour qui pour me traiter de c***? Mais toi, moi, on dirait que t'as 80 ans. Allez. Oui, mais dis pas que nous, on est des garces, alors que toi, genre, t'as pas joué mauvaise foi. Moi, c'était justifié. Ah, mais les filles entre elles, et c'est comme ça au bureau. Ah oui, c'est clair. Et ensuite, il y a l'ingrédient vital pour avoir du bon clash en télévision depuis quelques années, la garce marseillaise, la garce OM. Tu parles de respect? Tu parles de respect? Tu te fous de ma gueule? Ta robe, on voyait la moitié de tes nibards. La tienne alors? Et même, la tienne, on dirait que t'avais mis une serviette de bain. Qu'est-ce que tu fais? Mais ma robe, on voyait pas minibar. T'es mal élevé, t'es une sorcière. Donc si ça se cache comme ça, ça va bientôt finir en 4 mariages pour un enterrement. Merci Khalid pour le Zap Télé. C'est bizarre que ce truc fonctionne bien en termes d'audience. J'ai regardé ça là, ça cartonne bien. Et ben je regarderai ce soir, puisque c'est ça. C'est 8h20. C'est la finale ce soir. Ouais, on est vendredi, donc tous les vendredis, c'est là où ils se disputent. C'est le meilleur. Ah bah je regarderai ce soir. Alors vraiment, je ne vais pas louper, je serai devant. Je ferai même un truc sur le Snapchat de l'émission. Allez, voici Ellie Goulding sur Fun Radio, il est 8h20. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. Sur Fun Radio, Martin Garrix à suivre pour le son Dance Floor. Et puis entre 8h30 et 9h, je vais faire le combat des yeuves. Alors qu'est-ce que le combat des yeuves? Eh bien c'est Yolande qui va combattre contre Jean-François. Et ils seront aidés chacun des jeunes, c'est-à-dire Justine et Sandro, dans un combat de quiz sur les chansons françaises. Le combat des yeuves, ce sera tout à l'heure entre 8h30 et 9h. D'abord le rappel de la question du jour pour vous permettre de repartir avec ce magnifique cadeau, le dernier MacBook Air mis en jeu cette semaine entre 6h et 9h. Après

Sur Fun Radio, dans un instant, je vais appeler l'un ou l'une d'entre vous qui a répondu à cette question de sélection de Justine pour gagner sur Fun Radio ce matin votre MacBook Air. Juju. Quel animal est né à Paris d'Aïsa hier? Soit un panda, soit un pélican, soit un flamant rose. Il vous reste un peu de temps pour vous inscrire. Vous envoyez un SMS avec le code MAC, M-A-C, suivi de votre proposition au 6322. Allez, bonne chance à vous. Dans un instant, je fais sonner là juste après le son d'Enrique Iglesias. Et si vous décrochez avec la bonne réponse, c'est gagné. 8h30. Bienvenue tout le monde sur Fun Radio. On est vendredi, il est 8h30 et on passe à l'actu avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Les intempéries ont provoqué hier soir le débordement de plusieurs cours d'eau en province de Luxembourg, dont la Ouham, occasionnant de nombreux dégâts dans la région de Nassogne et de Gemel. Plusieurs villages ont été paralysés par la crue. La nationale 4 a même dû être coupée. Gemel, la crue a provoqué l'inondation d'une bonne partie des immeubles où le niveau de l'eau aurait même atteint les 70 cm à hauteur du rez-de-chaussée, à quelques kilomètres de là. La hausse des niveaux de la rivière a également surpris les habitants du village de Argimont. La commune de Plombières a également été particulièrement touchée par les inondations. Journée encore compliquée au niveau des transports en commun, avec une grosse perturbation et pratiquement aucun véhicule qui circule dans les régions de Charleroi, Mons, de la région du centre à Liège. La circulation est en partie perturbée dans la région de Namur et dans une moindre mesure dans le Brabant-Wallon et dans la province de Luxembourg. Prenez bien vos précautions et allez sur infotech.be pour éviter toute mauvaise surprise. Même chose du côté de la SNCB. Un accord semble avoir été trouvé hier soir et on annonce une reprise progressive du trafic. Une nouvelle réunion avec les syndicats est programmée dans la matinée, mais un retour à la situation plus normale n'est pas exclu. Plusieurs pays européens ont mis en place un système d'amende variable selon les revenus des contrevenants, afin d'éviter que les conducteurs aisés puissent se permettre beaucoup plus d'infractions sans que cela ne les affecte financièrement. L'agence wallonne pour la sécurité routière a sondé 1000 conducteurs pour voir s'ils étaient favorables à un tel principe. Verdict, près de 47% des hommes interrogés estiment que le montant de l'amende devrait être adapté en fonction du revenu de la personne. Les femmes ne sont que 31,5% à penser ainsi. En tennis, David Goffin a raté le coche hier à Roland-Garros en s'inclinant en 4-7 contre son ami Dominique Thiem, 15e joueur mondial. Le Liégeois qui a hérité d'une balle pour mener 2-7-0 a non seulement échoué aux portes d'une toute grande première demi-finale dans une levée du Grand Chelem, mais il est également passé à côté d'une place dans le top 10 au classement ATP. On joue aujourd'hui les demi-finales du tournoi chez les... Chez les dames, on va y arriver. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, Serena Williams jouera contre la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Garbine Muguruza va jouer contre l'australienne Samantha Stosur. Et puis chez les messieurs, ce sera Stan Wawrinka contre Andy Murray et Novak Djokovic face à Dominic Thiem. On termine par une petite info pour vous parler de deux braqueurs d'un supermarché du centre de la France qui ont pris la fuite en voiture, jusque-là rien d'anormal, avant d'opter, bloqué par les inondations, pour une tentative de fuite à la nage. Ils ont en effet fouillé, poursuivis par les motards de la police, mais ils sont arrivés en pleine forêt d'Orléans sur une une route départementale coupée par la montée des eaux qui touche la région depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Ils ont été contraints d'abandonner leur véhicule. Ils ont alors tenté en vain de fuir à la nage, l'eau atteignant à certains endroits 1,50 m de profondeur. Épuisés et frigorifiés, ils ont finalement été interpellés par les policiers de la brigade anticriminalité. Ah, c'était nos losers du jour, hein, nos amis à la nage là. Ils sont prêts pour faire le 100 mètres nage libre. 8h33 sur Fun Radio avant Enrique Iglesias. Avant de vous offrir le MacBook Air, on termine. Jean-François se flash avec la météo du jour. La journée commencera sous la brume et les bancs de brouillard locaux. Le soleil pourra ensuite tenter quelques percées sur le centre et l'est du pays avant le retour dans le courant d'après-midi de quelques pluies. Côté température, les maxima atteindront 13 degrés à la côte et de 15 à 20 degrés sur les autres régions. Et puis à partir de demain jusqu'en milieu de semaine prochaine, le temps restera instable avec un risque quotidien de pluie ou d'orage, surtout sur le centre du pays. Fun Radio. Alerte trafic. Comment ça se passe sur les routes, Jeff ? Toujours très compliqué ce matin sur le ring de Bruxelles en direction du ring intérieur. Entre Haut-Ittré et Bersel, comptez 45 minutes de temps de parcours supplémentaire. Même chose sur le ring de Bruxelles en direction du ring extérieur. Entre Braine-l'Alleud et Groenendaal, là aussi, plus 45 minutes. Et enfin sur la E42 dans le sens Saint-Vite vers Verviers, c'est dans une autre région. C'est entre Saralay et Uzy. Comptez carrément une heure de temps de parcours supplémentaire. Dernier rendez-vous d'info à 9h et tout de suite le son d'Ensflore de retour sur Fun Radio avec Enrique Iglesias. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Que te hace llorar. Il est 8h38 sur Fun Radio. Dans un instant, Avicii et Conrad Sewell, c'est ce qui va arriver pour le son Dance Floor. Ensuite, il y aura le combat des Yeuves. Le combat des Yeuves, ça sera Yolande contre Jean-François qui vont combattre sur un quiz de chansons françaises. Ils vont être aidés par les jeunes, c'est-à-dire Justine et Sandro. C'est l'heure d'appeler chez vous pour répondre à cette question. Justine, rappel de la question du jour. Quel animal est né hier à Paradise? Soit un panda, soit un pélican, soit un flamant rose. Alors, vous êtes inscrit en envoyant Mac par SMS au 6322. On va maintenant faire sonner chez vous. Si vous répondez avec la bonne réponse pour vous, le MacBook Air, qui est offert par qui d'ailleurs, Justine? Et qui est offert par MediaMarkt de Sint-Pietersleu. Bonne chance à vous, c'est parti. Faites sonner. Le combat des Yeux, ce sera juste avant 9h sur Fun Radio. Et on y va, on attend que le standard se réveille car il est fatigué. Standard matinal, standard du vendredi après 5 jours d'émission. Parfois, il fatigue un petit peu. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook de l'émission Evan et la Tribu avec le petit déj gratos. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Allô? Allô? Oui, bonjour. Quel est ton prénom? C'est Angelo. Angelo, tu habites dans quel coin? J'habite près de Vimy. Alors Angelo, écoute la question, et si t'es capable de répondre pour toi dans un instant, le MacBook Air. Angelo, quel animal est né hier à Paradise? C'est le panda. Et c'est la bonne réponse. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Écoute ce que merci. Tu as remporté, mon doudou. Angelo, tu repars avec ton MacBook Air 13 pouces de chez Apple qui vaut quand même plus de 1000 euros, félicitations. Ouais, merci. Bravo à toi, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Et bien donc les garçons ont été majoritaires cette semaine, hein, puisqu'on a eu Eric qui a gagné lundi, Nadia mardi, Victoria mercredi, Jordan hier. Et donc cette fois-ci c'est toi qui repars avec le MacBook Air. Il y en aura d'autres à remporter, ce sera cet après-midi entre 17h et 20h chez Audrey dans l'Happy Hour. Je te fais un gros bisou, raccroche pas, on va te reprendre en antenne. Bisous doudou. Dans un instant, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors il y aura Avicii pour le son dance floor, je vais tout remettre dans l'ordre. Et puis juste après on va faire le combat des Yeuves, ce sera le combat entre Yolande et Jean-François sur un quiz de chansons françaises. À tout de suite. Partez vous éclater à deux avec transport et hébergement en Hongrie au Balaton Sound grâce à Fun Radio. Fun Radio. Sur scène, Dimitri Vegas, Like Mike, Robin Schulz, Oliver Heldens, Martin Garrix et plein d'autres. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio. Partagez le post du Balaton Sound et laissez un commentaire avec le nom de la personne Facebook qui ira faire la teuf avec vous en Hongrie en VIP. Le Balaton Sound, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Avec Destination Clubbing, le partenaire transport officiel du Balaton Sound. Angry Birds, y'a plus rien à casser. Oh. Mais on va tout reconstruire grâce au Citroën Jumpy. Yeah. On est plus efficace avec un utilitaire Citroën. En ce moment, jusqu'à 11 600 euros d'avantages sur les Citroën Jumpy disponibles immédiatement. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Entrepreneur, avec BNP Paribas Fortis, gagnez votre pub sur le maillot d'Anderlecht ou une campagne média de 10 000 euros. Parce que dans un monde qui change, chaque supporter compte pour booster votre business. Oula, il y a du monde. C'est à qui? Participez sur boostervotrebusiness.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Allons, répète, moins 10% chez Tom & Co. Moins 10% le samedi 4 juin. Bon, il faudra être prêt pour ce samedi 4 juin. Chez Tom & Co, il y a 10% de réduction sur tous nos achats. Alors on répète, moins 10% le samedi 4 juin. Tom & Co, votre animal et vous. Voir conditions en magasin. Oh là, un éléphant d'Afrique. Waouh, c'est des belles bêtes hein, quand même. Mesdames et messieurs, notre zoo va fermer ses portes dans 10 minutes. C'est quand même pas pareil qu'un vrai safari, hein. Ah bah non. One extra cash. Play Cash. Jouez maintenant à Cash, les nouveaux billets à gratter avec lesquels vous pouvez amasser pas mal de cash. Un produit de la Loterie Nationale. En tant qu'indépendant, vous cherchez toujours les prix les plus compétitifs. Mais vous ne transigez jamais sur la qualité. Oui, d'accord. Mais à prix plancher. Le prix ne fait pas tout. Et pour votre entreprise, vous êtes prêt à investir. C'est pourquoi Volkswagen a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startline a seulement 10 990 euros hors TVA. Non, non, non. C'est Volkswagen qui a ce qu'il vous faut. Le Cadivan Startup avec Airco, radio, vitres et rétroélectrique a seulement 11 990 euros hors TVA. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen utilitaire. Pour acheter le Caddy Van Startup. Ah non, le Startline. Le Startup. Le Startline. Le Startup. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. And I don't ever want this day to end. A weekend, watch the waves have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, you feel. Together be real, together and no one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring it down. No one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring it down. Make it easier to sing, yeah. on the shore and our hearts are jumping. I grab another Coke and let's dive in. Forever, you feel together, be real together, and no one can stop me. I chase that feeling, nothing could ever bring me down. So no one can stop me. I chase that feeling, nothing could ever bring me down. With every fading sunset, we see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make it stay forever and be real together. Riab, dans un instant sur Fun Radio pour aller jusqu'à 9h, on va rappeler Justine l'adresse du petit-déj gratos pour tous ceux qui sont dans la région de Namur et qui ont envie ce matin de se faire payer le petit-déj avec Fun Radio. Ouais, vous allez à Andenne, avenue Roi Albert au numéro 205. La boulangerie, c'est le coin des saveurs et c'est Ambre qui vous offre un croissant et un pain au chocolat par personne. Voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, vous allez directement sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Il est 8h46. Nous allons donc jouer maintenant avec l'équipe des yeuves de l'émission. J'aurais pu en faire partie, mais comme c'est moi qui fais jouer du coup, eh bien j'ai choisi les deux yeuves que sont Yolande et Jean-François. Est-ce qu'on peut juste dire l'équipe des gens matures? Ça, on dit ça sur Vivacité, mais pas sur Fun Radio. Sur Fun Radio, on utilise un terme un petit peu différent. Même si je pense que yeuve est même plus utilisé par les ados aujourd'hui. Quand tiens, Justine, à ton âge, quand tu parles d'un vieux, tu dis quoi? Un daron? Un vieux, c'est tout. Un vieux. Un vieux aussi, non? Non. Ah ouais. Alors là, c'était vraiment de ton époque, ça. Ouais, donc en fait, vous êtes déjà vieux. Ok, d'accord. Donc les yeuves, le combat des yeuves, je vais quand même garder ça parce que ça me fait marrer. Nous allons donc vous tester, Jean-François, Yolande, sur les chansons françaises des années 2000. J'ai 10 questions. Vous avez chacun l'occasion d'être aidé par un jeune. Donc Yolande, toi tu vas être aidé par Sandro. Jean-François, tu vas être aidé par Justine. Vous êtes prêts? Je suis malvar, hein. Surtout que je suis nul en reconnaissance. Mais bon, allez, c'est parti. Allez, attention, on commence facile. C'est parti pour Jean-François. Jean-François, quel artiste du signe du Bélier s'est tracé un bel avenir depuis la chambre 12? C'est quoi ces questions? Alors là, depuis la chambre 12 du signe du Bélier, non, Florent Pagny. C'est pas Louane, non? Bonne réponse, ouais. Justine. Et ça fait donc un point pour l'équipe de Jean-François. Merci, Juju. Yolande. Je t'aime. Oui. Il faut que quelqu'un d'autre aussi les scores, hein, parce que sinon on va être perdu à la fin. Donc Jean-François, ça nous fait un point. Yolande, j'ai eu beau voir les yeux plus gros que le ventre, vous êtes quand même venus nombreux sur ma route. Je suis... Black M. Bonne réponse, un point. Jean-François, quelle chanson fait de Philippe Davila, Damien Sargue et Grégory Baquet le roi des charts? C'est une comédie musicale. Quand je vais te le dire, tu vas savoir. C'est les rois du monde. Bonne réponse, un point, Jean-François. Yolande, Psychiatre de la Rime est un groupe de rap formé de Sia Styles, Alonso, Vincenzo et... Soprano. Bonne réponse, vous êtes à égalité pour l'instant et ça marche plutôt pas mal. Jean-François, quel clip de Maître Gims totalise plus de 160 millions de vues sur YouTube en 2015? Je sais pas moi. Jean-François, pas comme ça, dis n'importe lequel. Je sais pas, en 2015? Ouais, en 2015. Comme jamais. Mauvaise réponse, c'était Bella qui a totalisé 160 millions de pubs. Ça fait 0 point. Yolande, quelle académicienne se métamorphose avec délice en femme chocolat dans les années 2000? Olivia Ruiz. Oui, c'est ça. Bonne réponse. L'équipe de Yolande passe en tête. Ça, je le savais en plus. Jean-François, comment s'intitule la première chanson qu'a sorti Mika en français? Je sais. Non, attends, ça c'est l'équipe de Jean-François qui joue là. Je sais. Jean-François? Je sais pas. Justine? Pour l'aider? Grace Kelly, c'est pas ça? Non. Pas du tout, c'était Elle me dit. Mais oui! Elle me dit, là là là. Et donc pour l'instant, c'est Yolande qui est largement en tête. Nous continuons avec cette question. Question pour Yolande. Quel artiste lunatique, après un temps mort, voit le futur sur internet avec son site oklm.com? Oh, mais trop facile! Ah, ouais. Booba. Booba, bonne réponse. Moi, j'aurais pas su répondre à cette question. Jean-François! Ce son, c'est fini, c'est 4-2 déjà. Donc, quelle technique vocale, ouais, mais pour l'honneur, quelle bien technique sûr vocale a été popularisée en France par le groupe Sayan Supakru dans les années 2000? Quelle technique vocale a été popularisée en France par le groupe Sayan Supakru? Il est dans la machine, Sandro, si tu veux le faire écouter. L'orgasme. L'orgasme. Non, pas le rap. C'est, je vous donne un indice pour vous aider à trouver. C'est uniquement fait avec la bouche. Ah, du beatbox. Bonne réponse pour l'honneur. Et mesdames, messieurs, c'est l'équipe de Yolande bravo qui gagne ce match sur la première fois. Pour une fois qu'Yolande gagne quelque chose. Evan, quand t'as dit le combat des vieux, moi je m'attendais à vraiment du... tu sais, des années 80. Quoi. J'ai, mais ça sera pour la semaine prochaine. Ah, alors, je vais faire jouer les auditeurs maintenant avec cette question sur les années françaises, les années 2000, la chanson française. Vous jouez par SMS au 3044. Sous quel nom le chanteur Cyril Camard est-il devenu numéro 1 avec Femme Like You? Sous quel nom le chanteur Cyril Camard est-il devenu numéro 1 avec Femme Like You? Ben, c'est les auditeurs qui jouent. On va voir si vous trouvez SMS 3044. Mais on revient juste après le son de Rehab sur Fun Radio. Le week-end, tous les DJ sont sur Fun Radio. Faites la teuf tous les week-ends avec l'émission Dance numéro 1 en Belgique, Party Fun. Party Fun. Tous les vendredis et samedis soirs, c'est Party Fun dès 20h avec Oli sur Fun Radio. Fun Radio. Les plus grands DJ de la planète mixent pour vous jusqu'à 5h du matin avec Hardwell, Joachim Garraud, Oumé Toscan, Bob Sinclair, Nicky Romero. Les plus grands DJ mixent tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Vous savez ce que la Seat Leon ST Break offre de mieux? Des jantes 17 pouces qui vont faire baver mes collègues de jalousie. Presque. Son pack connectivity pour aller sur mon Facebook. Pas mal. Son incroyable coffre pour encore plus de shopping. Exact. Mais elle offre aussi 5 300 € d'avantage. Waouh! Profitez maintenant de 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break avec phare full LED et système de navigation. Prime de recyclage comprise sous condition. Seat. Fun Radio. Quitte à devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez, laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Miroir, qu'a-t-on tu fais de ma tête? Cette transformation malhonnête, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Allez, allez, allez, le buzz n'était que factice. Je ne suis plus dans la matrice, y'a plus personne pour en parler. parce que vous mangez les bananes avec la peau que vous n'avez pas le droit de bien rigoler le matin. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous comme vous êtes. Faites gaffe quand même avec les ananas. Ça pique un peu à l'arrivée. Let me live on the line. I got a little freakiness inside, and you know that the man has got to deal with it. And I don't care what they say, I'm not about to pin nobody's way, 'cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe. I need a brother that can satisfy me, just for me. If you are that kind of man, 'cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. And we get all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood, on against the lead. 'Cause we can, any time of day, it's all good for me. Il est 8h57 sur Fun Radio. Excusez-moi, j'étais pas près de mon micro. Et personne m'a dit 5, 4, 3, 2, 1 dans les oreilles. Bonjour à vous, c'est Evan, c'est la tribu. Ah, je suis très sollicité ce matin. Alors pour rien vous cacher, pour ceux qui sont arrivés un petit peu tardivement, on a eu toute une série de loose ce matin. Moi je suis resté coincé en France à cause des grèves. Sandro qui revenait de congé ne s'est pas réveillé. Donc on a demandé à Oli qui est l'animateur du week-end dans Party Fun de venir réaliser à l'arrache. Lloyd écoutant qu'il y avait un problème a pris sa voiture pour se dépêcher de venir. Mais il a mis plus d'une heure parce qu'il y avait des bouchons partout. Mais finalement ce matin on a fait vraiment une bonne émission et ça fait plaisir d'être avec vous comme chaque matin à l'arrache sur Fun Radio. Alors, il y avait une question que je vous ai posée tout à l'heure. On a fait le jeu des Yeuves avec Yolande contre Jean-François. C'est d'ailleurs Yolande qui a remporté ce jeu. Sous quel nom le chanteur Cyril Camard est-il devenu numéro 1 avec Femme Like You et du cadeau à la clé? On a qui, Yolande, au téléphone pour répondre à cette question? On a Fiorella de Ternat. Bonjour Fiorella. Bonjour Evan, bonjour la tribu. Fiorella, qu'est-ce que tu fais en ce moment? T'es au boulot, t'es chez toi, tranquillement, tu fais quoi? Je suis au boulot, malheureusement. Et tu fais quoi dans la vie, Fiorella? Travaille dans les assurances. D'accord. Avec toutes les inondations en ce moment, on remarque que nous, on est en Belgique. Heureusement que tu n'es pas en France, parce que les assurances, ils vont mettre la clé sous la porte, hein, avec tout ce qu'il y a. Exactement. Fiorella? Oui, c'est ça. C'est... Ouais, c'est pour ça, on est content, finalement. Et sous quel nom le chanteur Cyril Camard est-il devenu numéro 1 avec Femme Like You? C'était la question des Yeuves ce matin. Quelle est ta réponse? Alors, c'était Camaro. Vérification musicale, s'il vous plaît, Sandro Alaria. Ah. Ou pas. Ça marche qu'à moitié. Décidément, hein. Ah. Voilà. Sandro, ce matin. Merci. Merci, Fiorella. Ça vient de nos auditeurs. Et alors, en plus, je lui demande de mettre un extrait de Camaro. Lui, met toute l'intro qui fait 50 secondes plutôt que d'écouter directement le refrain. Hein. Bravo, Sandro. C'est pour le plaisir de Justine. C'était en quelle année, Camaro, vous vous souvenez ou pas? Oh là là. En 2000, non? Ah, je sais pas du tout. Si quelqu'un a la bonne réponse, moi je veux bien, parce que j'ai pas regardé sur Google, mon ami. Bon, ma chérie Fiorella, tu n'as pas joué pour rien, puisque tu repars ce matin avec une boîte de jeu 5 secondes chrono, offerte par nos copains de chez Méga Bleu pour jouer avec toute la famille. Je te fais des gros bisous, merci de te réveiller avec nous. Je t'embrasse très fort. Merci, et félicitations à Yolande. Merci. Oui, bravo, bravo. Elle est heureuse, Sucelle, on le voit parce qu'elle a, elle a mis du rouge à lèvres et quand elle a mis du rouge à lèvres, c'est qu'elle est contente. Elle est un peu comme Isabelle Morini-Bosque, c'est le même rouge à lèvres, c'est pour vous dire. Gros bisous, Fiorella. Allez, dans un instant sur Fun Radio, je t'embrasse très fort, ma doudou. La suite du son Dance Floor, on vous reparlera également du petit déj gratos. On est du côté de Namur ce matin. Et puis vous avez toutes nos bêtises sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Bon vendredi, il est 9h. Fun Radio. Pour le foot, vous amènerez les pizzas, les gars? Parce que moi, j'ai déjà commandé un super four chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. À suivre sur Fun Radio, ce sera le son de Benny Benassi qui arrive. Mais d'abord, 9h pile, on s'informe avec Jean-François. Salut Jeff. Bonjour Justine, bonjour à tous. Une journée avec de nouveau de grosses perturbations dans les transports en commun, notamment dans la région de Charleroi, mais aussi à Mons, dans la région du Centre et à Liège. La circulation est en partie perturbée dans la région de Namur et dans une moindre mesure dans le Brabant Wallon et la province de Luxembourg. On espère un retour à la normale pour le début de la semaine prochaine. Du côté de la SNCB, une nouvelle réunion avec les syndicats est programmée dans la matinée, mais la situation semble donc se décanter. Le trafic reprend progressivement sur le rail. N'hésitez pas évidemment à prendre les infos nécessaires pour éviter aussi toute mauvaise surprise. Plusieurs pays européens ont mis en place un système d'amende variable selon le revenu des contrevenants afin d'éviter que les conducteurs aisés puissent se permettre beaucoup d'infractions sans que cela ne les affecte financièrement. Près d'un homme sur deux interrogé est d'accord avec ce système. Les intempéries ont provoqué hier soir le débordement de plusieurs cours d'eau en province de Luxembourg, dont la Ouham, occasionnant de nombreux dégâts dans la région de Nassogne et Gemelle. Plusieurs villages ont été complètement paralysés par la crue. On a appris hier que le chanteur Prince est mort des suites d'une overdose de fentanyl, un puissant médicament antidouleur. Le fentanyl est considéré comme 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. On apprend aussi qu'un mois et demi après sa mort, l'engouement pour la musique de Prince s'est un peu étiolé. Mais l'album Purple Rain reste en 12e position des ventes aux États-Unis. Mi-mai, pas moins de 19 albums de l'artiste figuraient dans le classement des 200 meilleures ventes aux États-Unis, ce qui constitue un record. David Goffin a raté le coche hier à Roland-Garros en s'inclinant en 4-7 contre son ami Dominic Thiem, 15e joueur mondial. Le Liégeois, qui a arrêté d'une balle pour mener 2-7-0, a non seulement échoué aux portes d'une toute première demi-finale dans une levée du Grand Chelem, mais il a également passé à côté d'une place dans le top 10 au classement ATP. On joue aujourd'hui les demi-finales du tournoi. Chez les dames, la numéro 1 mondiale Serena Williams jouera contre la néerlandaise Kiki Bertens et l'espagnole Garbine Muguruza jouera contre l'australienne Samantha Stosur. Chez les messieurs, ce sera Stan Wawrinka contre Andy Murray et ce sera Novak Djokovic face à Dominic Thiem. Un petit mot enfin pour vous dire qu'à 7 jours du début de l'Euro, la préparation continue pour les Diables Rouges qui affronteront la Norvège dimanche à 18h au stade Roi Baudouin. Après le partage mercredi soir face à la Finlande, les plus fervents supporters des Diables attendent une prestation un peu plus rassurante de l'équipe avant son départ pour la France. Une fois la rencontre amicale jouée, les Belges boucleront leurs valises et prendront la direction de Bordeaux où ils s'installeront et prépareront ensuite leur entrée dans le tournoi prévu pour rappel le lundi 13 juin face à l'Italie. Fun Radio. Fun. 5 300 € d'avantage sur la Seat Leon ST Break. Destination Barcelone. Je lance la navigation qui est comprise, tout comme les phares full LED et la prime de recyclage sous condition. Seat. La météo, Jean-François, pour ce vendredi. Et puis, est-ce que tu veux bien nous gratifier, je paierai s'il le faut, hein, d'un petit mot sur la météo de ce week-end? Parce qu'on attend de savoir si enfin on va pouvoir se bronzer un peu les jambes, quoi, tu vois. Mais évidemment, tes désirs sont des ordres, mon cher Evan. Merci, mon doudou. Après la pluie matinale par endroit aujourd'hui, le soleil pourrait ensuite tenter quelques percées avant le retour dans le courant de l'après-midi de quelques pluies et orages, même sur l'est du pays. Les maxima atteindront 13 degrés à la côte et de 15 à 20 degrés sur les autres régions. Et puis, à partir de demain jusqu'en milieu de semaine prochaine, le temps restera malheureusement très instable avec un risque quotidien de pluie ou d'orage, surtout sur le centre du pays. La seule bonne nouvelle, c'est une petite hausse des températures à partir de ce week-end. Prochain rendez-vous de l'info, c'est à midi avec Carlo. Moi, je vous retrouve lundi avec grand plaisir dès 6h, 6 endroits élevés. Et tout de suite, c'est le son de Flore avec Benny Benassi. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now we're closer I get to you, it feels like paradise. And I'd do anything you want me to when we're in paradise. I see you on the other side where it's alright. If tonight is the last night, I see you in paradise. Journée avec Fun Radio, nous sommes vendredi, ça sent le week-end. J'espère que vous allez faire la teuf ce week-end, profiter de la vie à fond, profiter aussi des températures, de la météo qui devrait être un peu plus agréable ce week-end, profiter en règle générale du son dance floor de Fun Radio et des gens qui vous entourent, c'est important. Dans un instant, Jason Derulo, Likili, il y aura également Rizza, et puis il a réalisé cette émission toute cette semaine, sauf aujourd'hui, même s'il arrive à un moment au secours. L'œil arrive sur Fun Radio jusqu'à 13h, avec toutes les heures plus de 40 minutes de son dance floor non-stop. Si je comprends bien, j'aurais peut-être dû la réaliser aussi. C'est aujourd'hui. C'est ça, au final. Pourquoi tu fais allusion au fait que Sandro se soit pas réveillé à son retour de congé? Mais alors pas du tout, du tout. Mais du pas tout, du tout, tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bon, Lloyd, dans un instant, du gros son dance floor. Et on va parler d'R. Kelly. Est-ce que vous voyez autour de la table qui est R. Kelly? Bien sûr. Bah oui, d'office. Alors vas-y, chante-moi une chanson. Bah c'est de l'anglais déjà, alors déjà tu me connais bien. Ouais. Je sais pas, bah non, en anglais non, je sais pas. Est-ce qu'on a un extrait, Sandro, puisque je t'en ai demandé un, d'une chanson de R. Kelly? Oui. Mais je connais pas très bien R. Kelly, donc. Ah oui, c'est pourquoi? C'est une chanson que les gens de 20 ans ne connaissent pas? Like an Oreo. Ça c'est R. Kelly, ne chante pas Lloyd. Ça aussi c'est R. Kelly. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'R. Kelly? Tiens, le célèbre Home Alone. Et qu'est-ce que c'est bon ce morceau, hein? On peut toujours pas chanter. Allez, vas-y. Alors, je vais vous demander ce matin autour de la table et vous tous par SMS au 3044 pour qu'on se dise au revoir avec cette info. R. Kelly était en concert en Floride pour un concert donc donné devant des fans et il a été obligé de faire quelque chose pour prouver qu'il était lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Info incroyable que j'ai découvert, il y a même une vidéo qui tourne sur internet ce matin. Yolande! J'en ai absolument aucune idée. Il ne Justine pas. Est-ce qu'il a des tatouages et il a dû les montrer? Non, pas du tout. Jean-François, à l'info la météo, l'info trafic. Je pense exactement la même chose que Justine. Il a un signe distinctif qu'il a absolument dû montrer aux spectateurs. Yolande. Et Yolande, est-ce qu'il a dû remettre ses lunettes noires? Non, vous êtes assez loin. Lloyd, est-ce que tu as une idée? Il a distribué son passeport. Ah, t'es pas très très la loin. Carte d'identité. Oui, alors ça on peut dire oui, mais il a dû faire autre chose. Il a été contrôlé, je sais pas moi, à l'entrée du desk des artistes. Imiter sa signature. Non, mais t'es pas loin, Justine. Il a dû imiter quelque chose. Quoi? Allez, je vous laisse 20 secondes encore. Il a dû chanter une chanson. Bonne réponse de Lloyd. Bravo, mon doudou. Oui. Alors, je vous explique. D'habitude, vous savez que les stars, elles font tout pour pas être connues. Et bah, cette fois, ça a été le contraire hier en Floride. Puisque, en fait, il a été filmé par un de ses amis, R. Kelly, en train de descendre sur scène. Il est allé voir ses fans. Mais, genre, vous savez, 10-15 minutes après qu'il soit sorti de scène, c'est-à-dire qu'il passe en loge, etc. Il est parti voir ses fans. Et en fait, c'est filmé. Il y a un mec qui dit: mais non, c'est pas possible. T'es pas R. Kelly, c'est du mytho. T'es juste quelqu'un qui lui ressemble. Et il a même parié $50 en disant: tu n'es pas R. Kelly. Et donc, R. Kelly a dû sortir sa carte d'identité, et comme ça suffisait pas et que le mec ne lui croyait toujours pas, et bien en fait R. Kelly s'est mis à chanter sa propre version de ses tubes comme pour prouver que tout le monde pouvait en faire autant. Donc on le voit, c'est en vidéo, R. Kelly a dû chanter devant un de ses fans qui ne croyait pas que c'était lui, qui n'en revenait pas, en disant: bah voilà, je vais te chanter un truc mec, et tu vas bien voir mec que c'est bien moi R. Kelly. Allez voir la vidéo si vous tapez sur Google mon ami, franchement elle est géniale. Si on peut, Justine, on peut essayer également de la mettre sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. J'ai trouvé l'info à l'arrache là il y a quelques minutes. Voilà pour l'info. Bravo Lloyd, félicitations. Merci, Lloyd. Tu as gagné un bon point et au bout de 10 points, tu auras une image, évidemment. C'est toujours le cas dans l'émission. On va se quitter en vous rappelant quelle est l'adresse du petit-déj gratos aujourd'hui. Et c'est quoi on l'image? On est du côté d'Andenne. L'image, tu choisis celle que tu veux. Par exemple, j'ai des images d'écureuils nus en ce moment, si tu veux. Voilà, totalement moment, à merde. Comme tu as adopté un écureuil. Justine, rappel du petit-déj gratos. Alors, on est à la boulangerie Le Coin des Saveurs qui se trouve à Andenne, donc avenue Roi Albert au numéro 205. Vous allez voir Ambre, elle vous offre un croissant plus un pain au chocolat par personne. Et c'est jusqu'à 10h et un message: bonjour, c'est le boulanger, je confirme, Ambre est jolie, mais pas de chance, elle est prise. En tout cas, un tout grand merci à l'équipe de Fun Radio pour cette action. C'est signé Mike. Passez tous et tous un bon week-end. On sera là dès lundi à partir de 6h avec ou sans Sandro. Bisous. Nous, on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Riza, Likili dans un instant. Et voici Jason Derulo sur Fun. Bienvenue tout le monde. Short days, long nights, tangled up with you. I don't wanna move. Your eyes don't lie, and if I needed proof, that body tell the truth. Ooh, your body is a blessing. Ooh, don't know if I deserve it. Ooh, before round two, I got a question for you, babe. If it ain't now you walk in it going up, going up. Slow it down for me, girl, we ain't gotta rush. Always a movie, we ain't saying much. Maybe I'm just your type. I know what bad girls like, but I'll confess tonight, your body is a blessing. Short days and long nights, yeah. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Tell me what it is. If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Yeah, yeah. If it ain't love, what is it? What is it? Why does it feel so good? If it ain't love, what is it? Fun Radio. Le son Dance Floor. Allez, je m'installe avec vous sur Fun Radio jusqu'à 13h. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Radio.